Cette semaine, à Assemblage requis à la plage. On amène nos amis David Ferron, Sylvain Landry, Alexandra... Justine Renaud et Véronique May. Et on n'oublie surtout pas nos chroniques maison, dont ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Sortez vos petites pelles, Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage Hockey pour la semaine du 27 mai 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Salut, JP. Stéphanie, ce paradis s'en vient dans une heure environ donc, pour compléter l'équipe, hein? Comme d'habitude. Mais ça va bien sinon? Ben oui, ça va bien. Et toi? Oui, très belle semaine qu'on vient de passer là, ou qu'on va commencer, ou peu importe quand vous nous écoutez, là. Hein? Pour ouais, référence temporelle. Ça. Tout le monde qui vous la porte en même temps dans le studio, come on. On fait l'émission de radio, David. Come on. Il me dérange pas partout, ça. Il me dérange pas partout, juste ça pour niaiser. Juste ça pour les niaiser, puis il prend ça au sérieux. Il est drôle, c'est de même. Donc, David Ferron qui s'en vient justement tantôt, dans une dizaine de minutes environ, pour faire sa chronique La langue dans ton oreille. Aujourd'hui, on parle du mariage. Mariage, c'est bien ce que tu m'as dit tantôt. C'est ça, Léji? Oui, on va parler du mariage au Mali, en Belgique. Et qu'est-ce qui se passait à la Nouvelle-France à l'époque? Je pensais que tu allais dire qu'est-ce que j'ai marqué déjà sur ma feuille. Ça aurait pu. Faut pas trop niaiser aujourd'hui. Je pense qu'il prend ça au sérieux quand on niaise. Hein? Ouais, surtout ça fait 2 semaines que je suis pas venu. C'est vrai, ça fait 3 semaines qu'on lui a pas parlé depuis la première émission de la saison. Et là, tu es de retour pour le reste de l'été, probablement. On l'espère. Ouais, sûrement. C'était fin. D'accord. Juste des fins. Ça se mérite. Ensuite de ça, Sylvain Landry va être avec nous pour sa chronique du bon gars. Il va être là pour nous raconter ses anecdotes de la semaine. Justine Renaud va finir par nous faire une autre bonne chronique. Justine procrastine, elle qui la remet à plus tard. Elle était pas là la semaine passée, était à New York. C'était Toronto. Ben, coquin. Ben, vrai. Souviens-toi. On peut l'avoir sur la suite de l'UQTR parce qu'elle a gagné un beau prix, Justine. Ah oui? Oh oui, une grosse bourse grâce à ses compétences en tant que chercheuse. C'est une fille intelligente, oui, Justine. Elle va pouvoir nous donner plus de détails tout à l'heure. Voilà. Véronique Mire va aussi être avec nous pour sa chronique sur les choses de Z à A. Aujourd'hui, c'est la lettre W. Et on a un scoop. Wow! Oh, ben, on dirait wow. Lequel tantôt, hein? Wow, comme... Ah, wow. OK. Oui, j'ai pas catché. Ah, je suis un petit bête. Yep. Bon. Donc, c'est pour les chroniqueurs qui vont venir nous visiter, comme toujours, sur notre beau petit resort, notre tout inclus de C'est fou. On a aussi nos chroniques maison. Jean-Philippe, on va voir Palmerston in Peace, Les paroles des autres, Television, c'est un fait, et Sex Smith, ça devrait répondre là, dans l'émission d'aujourd'hui. Des classiques, j'ai hâte. Ben, vraiment. Mais est-ce qu'on commence avec des nouveautés du palmarès? Ben, faudrait. Ouais, ouais. Parce que tout l'été, vous le savez, on combine Assemblage requis et les palmarès et fous en une seule émission. Et le côté palmarès, c'est surtout la musique. Et on vous présente une semaine sur deux le top 20 francophone et une semaine sur deux le top 20 anglophone. Puis là, cette semaine, c'est francophone. Yeah! Puis c'est des nouvelles, hein? Puisque c'est pour ça qu'on les présente. C'est tout neuf, là. Donc, on va entendre dans le bloc plus tard Alex Nevsky et Ponctuation, mais on débute en 20e place. Oui, avec Caféine et Lettres d'amour. C'est une nouvelle entrée. Oui! Oui! Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, il nous manquait celui-là. Ah oui, j'ai hâte d'entendre. T'as hâte d'entendre. Tu connais Caféine un peu? Ben oui. Bon, on écoute. J'apprends tous les matins. Corsé! Ah, oui. Comme blague, c'est corsé. Ton sens de l'humour est velouté. Ah oui. Arrête-le, je vais rajouter des laits. Des laits? Une joke de graine ou quelque chose comme ça. Bon, c'est ça. Donne-moi mon cœur. Je brûle des lettres d'amour.

Pas tant une nouvelle pièce d'Alex Nevsky. On vient d'entendre. C'était quoi ça? On leur a fait croire. On leur a fait croire, ben oui. Ouais, ben il y a une nouvelle entrée qui s'appelle Tuer le désir, mais on va élucider le mystère et trouver cette chanson-là. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a pas. Ben oui. On ne l'a pas. C'est ça qui arrive des fois. C'est comme ça. C'est, eh oui. C'est le mystère de la radio. Mais bref, avant ça, on a entendu une nouvelle entrée en 19e place, Franco. Oui, c'est Ponctuation avec Ciao, baby, ciao. Mm-hmm. Et au tout début, c'était Caféine avec son nouvel extrait Lettre d'amour sur l'album New Love. On a vraiment aimé ce bloc-là. C'était pas du fait qu'il était aux deux tiers à neuf, finalement. Oui, c'est ça. Je l'ai cherché, mais je la trouve pas. Mais peut-être d'ici la fin de l'émission, on peut peut-être la trouver. On va peut-être réussir à faire ça. On va faire notre job, quand même. Ben, on oui, c'est trop. On va la payer nous-mêmes. Uh-huh. Non. Mais je sais qu'on a reçu le vinyle. Ah, ben. Il y en a un tourne-disque dans le bureau, ça tente de brancher ça, il marche. Ben écoute, on a confirmé qu'il marchait. Ben oui, on va brancher ça. On a tout ce qu'il faut ici. Pas trop, on a 4 heures devant nous. Voilà. Bon. On aime ça les défis. On aime bien ça. Donc, tiens, avant de continuer avec la chronique de David Ferron et avec d'autres pièces du palmarès francophone, avançons-nous un peu de l'eau, du bord, de la rive. Mmh. Ah, la chaleur qu'il fait. Hein? Mmh. Mmh. Parce que quand on dit qu'on accueille les nouvelles pièces, ben, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui nous ont quittés. Et on appelle ça le Palmarès in Peace. Oh, yeah. Bye! Voici les pièces qui nous ont quittés depuis la dernière fois. On s'est repeint, remaquillé, on a mis du phare sur nos joues. Qui ont quitté les pas mal assez fous depuis l'édition du 13 au 26 mai 2013. Oui, ça, on a commencé avec Alex Nevsky. On leur a fait croire qu'on venait d'entendre. C'est drôle, hein, quand même. Elle venait juste de jouer. Oui. Mais on a trouvé finalement entre-temps la pièce qu'on pourra faire jouer plus tard. La nouvelle Alex Nevsky. C'est pour vous teaser. Donc, elle est restée 4 semaines. Alors, ensuite, ponctuation avec À bout de souffle qui a duré 7 semaines. Les Sœurs Boulay par le Chignon du Cou qui nous ont quittés après 8 semaines. Bravo. How to Destroy Angels qui a duré seulement 5 semaines avec How Long. On a eu David Bowie de Star Out Tonight 7 semaines quand même. Oh, je pleure. J'aime pas ce David Bowie. Et on a terminé avec une pièce qui a vraiment, vraiment pas duré longtemps. Et ça, c'est très, très rare. Seulement 2 semaines. C'était une nouvelle entrée une semaine et ensuite, ça a monté d'une coche ou deux. Puis ça s'est quitté. C'est ça. C'était Sun Minds avec Price for Freedom. Et je voilà. Dirais que du côté anglophone, je suis pas triste de voir grand-chose partir. Je sais que David Ferron est triste de voir partir How to Destroy Angels. Ben oui, puis en plus, je la connaissais pas tant que ça, mais je l'ai écouté l'extrait, puis j'ai goût de l'écouter au complet pour mieux la connaître. En tout cas, ça me déçoit plus que... Les Sœurs Boulay? Ben, je les respecte. Il est gentleman, il est gentleman. Je pense pas, c'est peut-être pas un fan des Sœurs Boulay, David Ferron. J'ai le même amour que toi, t'as pour l'Isola Blanc. Ah, on se comprend là-dessus, d'abord. On se comprend là-dessus. Maintenant, tiens, après Palmer Rest in Peace, qu'on fait toutes les semaines comme ça, lorsqu'on dit au revoir à des pièces, on accueille David Ferron. Non, c'est Marie Melon. Ah, pas Marie Melon. Non. Le retour! Oh non. J'ai de la misère avec le micro, est-ce que tu veux venir, s'il te plaît? La raison que David a de la misère avec son micro, c'est que, en fait, que Marie Melon a de la misère avec son micro, c'est que Marie Melon, c'est la sœur triplette siamoise, à l'origine, à la naissance, de David et Gustave, que vous connaissez pour sa publicité qu'il fait pour l'émission Brancher le Monde. Oui. C'est Gustave, il est dans la pub. Bonjour. Bonjour, c'est Gustave. Donc, eux, ils étaient des triplets à la base. Le médecin a réussi à les séparer. Marie Melon est rendue avec des petites mains parce qu'elle est un enfant du thalidomide. Ça, c'est les parents, les mères qui prenaient des médicaments, puis ça faisait que les enfants avaient des mains attachées au mognon ou à leur coude ou à leurs épaules. Lui, son... elle, voyons quand même, de misère avec mes pronoms. Ben, il se ressemble un peu, hein? Il y a des airs de famille. Une petite pomme d'Adam des fois cachée. Comme Martin Deschamps, mais en plus de chicks. C'est ça. Donc, les mains sont attachées après ses seins, Marie Melon. C'est ça la particularité, hein, c'est pas. C'est ça, on a des subventions hein, pour les accepter à la radio, c'est pour ça. On a les ex-détenus. Oui, c'est ça. C'est bon. Les enfants de la thalidomide. Oui, après les enfants de la télé, les enfants de la thalimamatante. Thalimamatante. Oui. Oh, wow, c'est beau. Est-ce que c'est toi qui vas faire la chronique de la langue dans ton oreille? Bon, ben, tasse-toi, Marie Melon. Oh, merci, Marie Melon. Hey, hein? Rebonjour. Ils se parlent, eux autres, là, comme des frères et sœurs, hein? Oui. Ouais, c'est comme quand on était des enfants, mais on n'a pas évolué. Notre relation n'a aucunement évolué. J'ai même pas eu besoin de le dire, c'est lui qui dit ça. C'est incroyable. Incroyable. Je l'assume, je respecte pas beaucoup Marie Melon, mais Marie Melon non plus me respecte pas. Comme Gustave, qui est supposé être mort, mais qui est encore chez Stéphanie, là. Ah, ça, j'avais pas raconté ce boulot de l'histoire, mais oui, Gustave, apparemment, sort avec notre co-animatrice Stéphanie Paradis. Mais on the side. Ouais, c'est encore. Ça, c'est. On the side. Ouais. Oh. De points. Oh, ça va faire. Hein? J'ai peur. Voici David Ferron et la langue dans ton oreille. Ah, il est supposé avoir la toune de fond qui part après, mais j'ai oublié de la placer. Ben, c'est pas grave. Donc, bonjour David Ferron. Ben, bonjour vous trois. Allô? Oui, on n'a pas présenté encore Sly, là, mais... Ah, ben, excellent. Donc, il y a quelqu'un à côté de nous. Ça fait subtil, je trouve, dit comme ça. Oui, mais ouais. Je suis content de vous retrouver. Ça fait quand même très longtemps que je vous ai pas vu. Ouais. C'est vrai, ça fait un bon 3 semaines, hein? Ouais, je suis pas habitué. Pourtant, je m'incruste. Puis là, j'ai réussi à pas être présent pendant 3 semaines. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas comment t'as fait. Ben, comment nous, on a fait? On a fait pour survivre à ça. C'est un manque flagrant, l'émission. Ben, je le sais. C'est pour ça que je suis de retour. Fais ça de flatter toi-même. Hein? S'il se complimentait pas lui-même, qui le ferait? Ben, voilà. C'est ça. Personne, apparemment. Donc, aujourd'hui, on parle de mariage, David. Oui. On t'aime tellement qu'on te demande officiellement en mariage, c'est ça? Pas tout à fait. C'est pas le punch à la fin de l'épisode? Non. La semaine prochaine? Ah, j'ai pas préparé de punch, mais tu me donnes des idées. Ben oui. Mais non, en fait, je vais vous parler du mariage, étant donné que la question du mariage gay a suscité beaucoup d'émoi et de contentement, dépendamment de quel côté on est en France. Eh bien, oui. ça m'a inspiré une chronique. En fait, je vous parlerai pas du mariage gay, mais je vais vous parler du mariage sous 3 aspects. D'abord, le mariage au Mali, comme ça se fait traditionnellement. Le mariage en Belgique au niveau légal et le mariage en Nouvelle-France. Comment qu'on faisait ça dans l'ancien temps? Cool. Dans le très, très ancien temps, là. À l'époque où l'âge de consentement était 10 ans, là. 12 ans. 12 ans? Ouais, 12 ans. Ouais. Bah, quand même. 12 ans pour les filles, 14 ans pour les gars. Okay. Puis dès que la fille était mariée, menstruée, bien, faisons des enfants. Yes. Hop. Allons peupler la Nouvelle-France. Mm-hmm. Si je me rappelle des mauvaises décisions que j'ai prises à 12 ans, j'imagine pas eux autres. Oh, ça en fait plusieurs parce que dans ce temps-là, ça faisait beaucoup d'enfants. Ouais. En espérant qu'ils regrettaient aucunement des enfants. Jamais. Mais sinon, on serait pas là. Donc, pour... D'abord, je vais parler du Mali. Donc, le Mali, en fait, je vais plutôt m'attarder sur le processus des fiançailles parce que tout se passe dans un trafic de cola. Je pourrais dire, je vais m'aligner sur ce sujet-là. Oh! Oh! Opportunité ratée, justement. Exactement. Tu sais, c'est pas malin de dire ça. Wow. Arrête avec des blagues comme ça, je surveille ma ligne. D'ailleurs, moi, je suis dû pour aller m'en faire une. Wow. T'as ponctué, c'est comme une joke à 2 degrés. À délai, hein? Oui. Considérant, tu sais, ce qui est arrivé. Considérant, oui. Ouais. Je sous signe. Continuons. Où est-ce qu'on en était? Ah oui, le Mali, le trafic de cola. Et qu'est-ce que le c'est cola. Que... cola. Oui, le cola. OK. Oui, ça, c'est un fruit en forme de noix qui est très prisé dans les pays de l'Afrique du Sud, dont le Mali. Et en fait, au lieu de donner une bague de fiançailles, eh bien, les futurs époux, en fait, l'époux donne quelques noix de cola au lieu de donner des bagues de fiançailles. Mais là, à ce moment-là, la fille dit pas oui tout de suite. Faut qu'elle négocie avec sa famille pour savoir si oui, elle prend son époux ou pas. Mm-hmm. Des fois, dans certaines communautés, la fille a le dernier mot. Des fois, non. Ça va dépendre. Et là, ça peut prendre quelques semaines pour être sûr que le prétendant soit un bon prétendant et non une espèce de loser de fatigant de n'importe quoi. Okay. Charlatan. Oui. Exactement. C'est précis comme genre de gars. Faut que ça fasse l'affaire de la famille en tant que telle. Et donc là, une fois, quelques semaines après, qu'est-ce qui arrive? C'est que la future épouse s'en va voir son mari. En fait, non. C'est qu'eux envoient un griot. Qu'est-ce qu'un griot? C'est un espèce de conteur de rue qui sont très populaires au Mali. Donc, c'est tradition orale. Donc, un griot qui est un conteur-chanteur qui s'en va voir okay, l'époux. Okay. OK, c'est pas comme un parcomètre. Non. Un compteur de rue. Oh, puis ça a beaucoup plus de valeur que le nouveau parcomètre de Trois-Rivières. C'est ça. C'est en fait du patrimoine culturel quand même. Donc, le griot s'en va avec quelques membres de la famille de l'épouse et ça va donner un sac de cola pour dire « Oui, j'accepte que tu sois mon époux. » Et là, le griot va donner l'heure, la place et les modalités du mariage. Et là, la journée avant le mariage, l'époux de son côté, parlons de trafic de cola, là, doit pas seulement juste donner des colas, des graines de cola, mais doit aussi les mettre dans des sacs en plastique avec des sucreries et de l'argent. C'est mais, fun quand même, ça. C'est comme l'Halloween. Ouais. Ouais, exactement. Sauf qu'avant de verser l'argent, il faut que les familles négocient le montant. Mm-hmm. Parce que tant ou si longtemps que le montant ne sera pas négocié, il n'y aura pas de mariage. Okay. Parce qu'on appelle le dot, le dot. Donc, le dot, c'est le montant qu'on verse aux familles pour dire que oui, on épouse puis on te donne de l'argent. Sauf que, en même temps, c'est pas juste destiné à l'épouse, c'est destiné à toute la famille qui va pouvoir défrayer les frais de mariage avec ça. Puis, l'argent est divisé équitablement entre les membres de la famille. Et là, par contre, les jeunes de la nouvelle génération sont moins enclins à utiliser cette forme-là de fiançailles parce que le mariage, c'est pas les fiançailles en tant que tel, mais c'est le mariage parce que au Mali, plusieurs personnes se marient trois fois. Devant Dieu, devant la communauté, puis l'autre modalité aussi. En tout cas, ils se marient trois fois, puis à chaque fois, ils invitent leur famille. Donc, ça coûte cher. Ah, ben oui. Déjà qu'un mariage, ça coûte cher. Un troisième mariage en plus. Faut vraiment que tu l'aimes, ton mari. Mm. Ou qu'il aille donner un bon dot. Ouais. C'est selon et concernant le cola, petite anecdote, c'est un cola a des propriétés antidépressives et aphrodisiaques. OK, intéressant. On en veut. T'en as amené pour nous en studio? Oui, tiens, Jean-Philippe, j'en ai juste pour toi. Oh. En début de chronique, David a dit je pensais pas m'ennuyer autant de ta main. Je sais pas ce que ça voulait dire. Oui, Jean-Philippe, il y a de ça. Moi non plus, je comprends pas. Je me dis ceci de tous ces commentaires-là. Ben non, c'est juste qu'avec ça, tu peux utiliser la souris de ton ordi pour ensuite écrire mes chansons. Parce qu'on va d'ailleurs écouter une chanson de Amadou et Mariam qui s'appelle Sabali. Couple justement du Mali qui sont ensemble depuis très très longtemps, que j'ai vu en spectacle et qui sont très bons. On écoute ça? Oui, Amadou Sabali. Et Mariam? Oui. Dans la langue dans ton oreille. toi chérie, la vie est belle. Je trouvais ça tellement thématique, mais en fait, pour faire un lien avec le Mali et ma chronique, quoi de plus approprié qu'Amadou et Mariam? Ben rien, justement, c'est Amadou et Mariam avec Sabali qui a été réalisé par Damon Albarn qui est derrière Blur et Godzilla. Gorillaz. Godzilla. Lapsus, Gorillaz, pardon. Ouais. Mais non, ça veut dire qu'il n'y a rien de meilleur que ça, ça veut dire qu'on avait le choix entre ça ou rien? Ben, peut-être que je connais pas tant que ça les artistes déjà en couple au Mali, là. Tu me donneras la réponse la prochaine fois avant. Ouais, je vais essayer de faire une plus grosse recherche la prochaine fois. Donc, deuxième artiste, en fait, deuxième pays et les coutumes de leur mariage. Oui, c'est la Belgique. Là, on peut pas faire de jeu de mots. Tantôt, j'ai même pas fait, tu sais, entre, tu sais, mon mari, avec l'accent, mon mari. Mais tu roules ton A, c'est comme le Mali. Avec la Belgique, ça marche pas. Malien-tu fatigant, Mathieu, des fois? Malien-tu fatigant, j'aime ça. Non, c'est vrai. Donc, Belgique, la législation est pas mal similaire à la nôtre. Sauf qu'il y a quelques petites différences, quelques petites subtilités. D'abord, au niveau des liens de parenté. Tu peux pas marier ta sœur, ton frère ou ta mère, quoi que ce soit. C'est quand même une bonne chose. Oui, ben c'est ça, parce que là, il y a la grosse controverse en France par rapport à la madame qui a marié son cousin. Hein. Ouais, puis elle est anti-mariage gay, puis elle se calme, mais en tout cas, bref, peu importe. Laissons-la se noyer. Voilà. Donc, par contre, le mariage entre cousins et frères est interdit, sauf à une exception, et c'est là que c'est particulier. Donc, attachez votre tuque avec de la broche. Si vous n'en avez pas, eh bien, attachez-vous après une chaise. Peu importe. Cool. Donc, avec quoi? Avec, comme vous voulez. Ce que tu peux. OK. Ça va vous surprendre. Donc, je vais vous lire la phrase. C'est que le roi, parce qu'en Belgique, il y a encore un roi. Il y a encore de la royauté. Ouais. Le roi, pour des motifs graves, peut empêcher l'interdiction des gens de la même famille de se marier. Donc, le roi, pour des cas vraiment extrêmes, peut... Empêcher interdiction, ça veut dire accepter. Oui, mais il faut vraiment que ça soit un gros motif super important, comme quoi t'as ta cousine qui vient d'un pays puis est menacée de se faire décapiter là, donc là... OK, je comprends, oui, oui. Pour des trucs vraiment graves, extrêmes, là, le roi de la Belgique va permettre aux gens de même famille de se marier. Pas par amour. Pas de bonne raison. Non, c'est ça. Ben justement, là-dessus, je m'en allais justement là, tu lis dans mes pensées. Excuse-moi, c'est que, non. Ben non, tant mieux. Ça me fait moins de choses à introduire en même temps. Oh! Parce que toi, t'as une limite sur le nombre de choses que tu peux introduire en même temps. Donc, en fait, c'est que légalement, il faut que les deux soient consentants au mariage. Si les deux sont pas consentants, c'est interdit. Ouais. Et par exemple, durant le mariage, si la personne, ben en fait le célébrant, voit qu'un des deux se sent forcé, il peut arrêter la cérémonie. Il peut dire « Non, je vois qu'il y en a un des deux qui a l'air d'être contraint, j'arrête la cérémonie, je vous épouse pas parce que c'est interdit par la loi. Ouais. » Et aussi, le mariage catholique n'est pas reconnu légalement aussi longtemps qu'il n'y a pas eu de mariage civil. C'est le mariage civil qui prime en Belgique. Les mariages religieux passent après. Ah. Donc, c'est pour ça que aussi peut-être ça a été facile pour la Belgique de légaliser le mariage gay, parce que ça a été un des premiers pays qui a légalisé en 2003 le mariage gay. Bravo! Donc, c'est sûr qu'eux, ils n'ont pas le côté comme « Ah, ben pour être reconnu, il faut être marié catholiquement. » Ben nous autres aussi, on peut se marier civilement, mais eux, légalement, c'est civil. Et j'ai une liste des pays, justement, qui ont autorisé le mariage gay. Donc, dans ces provinces-là, j'avais la liste avec moi et je vais pouvoir vous le dire. Il y a des pays qui m'ont surpris, comme le Brésil, l'Uruguay, qui ont permis ça. Il y a également certains États des États-Unis qui s'est déjà fait, comme le New York, Maine, le Minnesota. Il y a également l'Islande qui l'a permis. Mexique, dans deux États, c'est-à-dire le district fédéral et Quintana Roo. Donc, ça, c'est permis là-bas. Donc, c'est des endroits qui ont permis le mariage entre conjoints de même sexe. Cool. Et là, on va écouter un Belge. La chanson n'a pas vraiment rapport avec les mariages en tant que tel, mais on a parlé d'argent tout à l'heure, comme quoi c'est important d'avoir de l'argent pour se marier. Eh bien, lui dénonce la société consumériste, c'est-à-dire Arnaud avec Chic et Pas Cher. C'est correct, la langue dans ton oreille, il y a Sondage Requis à la plage. Oui, c'est la maison de FM. FM. En direct de Trois-Rivières. Ou pas tellement en direct, dépendant. Ça dépend. Je les aime tous comme moi-même. Les biens sont bien, mais les mieux sont mieux. J'ai vu la pauvreté à Saint-Tropez. J'ai vu les pauvres stars frustrés. La vie est belle, chic et pas cher. La vie est belle, chic et pas cher. J'ai connu un rappeur avec une chaîne en or. Il crie motherfucker même quand il dort. Tout le monde cherche la vérité. Ils font les mêmes tubes d'été. La vie est belle, chic et pas cher. La vie est belle, chic et pas cher. C'était Chic et pas cher du chanteur belge qui chante en français, je tiens à le souligner. Ça paraît pas, mais... Ouais, je le sais, c'est très dur. Faut avoir le livret de parole pour comprendre. Moi-même, même avec le livret de parole, il a fallu que j'écoute la chanson trois fois avant de comprendre. C'est toujours la chronique La langue dans ton oreille. On parle de mariage dans différents pays du monde aujourd'hui. Oui, là, on va retourner au Québec, mais dans le passé. La Nouvelle-France. Oui, exactement. Qu'est-ce qui se faisait au 17e siècle chez nos ancêtres? Eh bien, comme vous le savez, dans le temps, c'était papa et maman qui décidaient avec qui tu épousais. Mm-hmm. Donc, fallait absolument que tu suives le choix de tes parents, sauf qu'il y avait quelques exceptions. Par exemple, le seul moyen, je peux dire, de contourner ce système-là de parents qui t'obligent à te marier avec telle ou telle personne, c'est faire un mariage à la Gaumine. Qu'est-ce qu'un mariage à la Gaumine? C'est en fait M. Gaumin en France qui prenait sa jeune épouse qui aimait d'amour. Et là, avant que le prêtre arrive, il envoie ses témoins à l'église. Et là, ils se disent « Oui, chérie, je t'aime, on s'épouse. » Et là, c'est pas le prêtre qui a consacré le mariage, mais eux autres même avec les témoins. Donc, le mariage a été légal pendant un certain temps jusqu'à la fin du 16e siècle où ce que là, le clergé a dit « Non, c'est illégal. » Donc, il n'y a plus vraiment moyen de passer à part quelques règles vraiment très strictes, comme par exemple, il faut que tu aies 30 ans pour un gars et 25 ans pour une fille pour pouvoir décider de toi-même qui est ton époux, ton épouse. Sauf que même là encore, il faut que tu négocies avec ta famille, qui a en fait encore le dernier mot. Donc, c'est assez strict là-dessus. Et donc, à ce niveau-là, autre chose aussi, un fait sur les mariages en Nouvelle-France, c'est que dans le temps, les colons pouvaient épouser les autochtones et les autochtones, les hommes autochtones pouvaient épouser également les femmes qui s'installaient de France. C'était mariage interracial, c'était à l'époque. Oui, puis déjà commencé. Oui, puis c'était correct aussi parce qu'il y avait un rapport égalitaire entre les deux communautés dans le temps à l'époque. Sauf que selon l'ancien régime de France, c'était un peu énervant parce que le système est basé sur un système hiérarchique. Donc t'épousais selon ta classe sociale. Par exemple, les nobles, les bourgeois, etc., etc. Donc, le fait que une race, ben pas une race, mais une communauté considérée comme inférieure, ce qui n'est pas le cas du tout. Non, mais... Parce qu'on était très avant-gardistes sur plein de choses, les Autochtones. Donc, c'était mal vu, justement, d'épouser des Autochtones qu'on voulait évangéliser, les mettre en bon catholique. Donc, c'était mal vu, mais il y en avait quand même pas mal, puis il y en avait encore au 20e siècle, là, mais... Malheureusement, les rapports se sont détériorés entre autochtones et blancs et ça a donné plein de trucs qu'on entend encore aujourd'hui. Mais dans le temps, au contraire, les femmes autochtones, c'était des femmes très importantes au niveau, que ce soit pour l'orientation, pour aider à négocier. Les hommes aussi autochtones, c'était des alliés très importants. En fait, c'était des associés d'affaires qui étaient très importants. Et aussi, une autre pratique, une pratique de contestation de mariage. Par exemple... Les cougars, ça existait un petit peu dans ce temps-là. C'est pas un phénomène nouveau. Les femmes plus âgées qui mettons, vont... dans ce temps-là, c'était 19 ans. Là. OK. Bon, je fais des blagues. Non, je fais des blagues. Mais à ce moment-là, si la communauté n'était pas d'accord avec ton mariage, par exemple, t'es veuve, ça fait pas trop longtemps, puis deux semaines après, tu maries une amie ou... je sais pas, n'importe qui d'autre. Ça, c'est mal vu parce qu'il faut laisser le temps entre... le veuvage et le prochain mariage. Okay. Donc là, les gens se réunissaient et pendant la nuit, ils faisaient pas ça durant le jour. Pendant la nuit, ils sortaient leur chaudron et leur casserole et manifestaient devant la maison de l'époux et de son épouse pour les déranger, pour montrer à quel point ils n'étaient pas d'accord. C'était pas une pratique très, très, très répandue parce qu'on s'arrangeait pour qu'il y ait un consensus avec qui on se mariait pour pas avoir de problème ni avec l'Église ni avec la communauté, mais ça pouvait arriver que la communauté se réunissait qui n'étaient pas d'accord. Donc ça aussi, ça date pas d'hier, là, les chaudrons et les casseroles. Là. Non, on n'a rien inventé, mais en fait, ça, je pense ça vient de l'Amérique du Sud, ça, justement, les chaudrons et la pratique des chaudrons durant les manifs. Mais ça, j'aime mieux ça, entendre ça, qu'une chanson d'un duo de sœurs que je nommerai pas. Ben, non! Encore quand une blague contre les sœurs. Au moins, ça, ça endort pas. T'as, je suis bien... je tombe bien cinglant aujourd'hui. Direct. Mais je les respecte. Moi, ce que je trouve encore plus déplaisant, c'est ça. T'sais. Mier! Mier! Pas du tout glaçant. Il n'y a rien là. C'est la bonne radio. Donc, David Ferron, il nous reste une dernière pièce à l'entendre rapidement. Oui, puis pour vous allumer, messieurs, voici Lola, qui est en fait une chanson, en fait la chanteuse du groupe Superbus, qui chante à une certaine Lola, qui est sa blonde, selon la toune. Donc, Lola de Superbus. J'ai changé les piles de mon pacemaker. J'ai beaucoup pensé à toi, Lola. Allô, Lola, ne raccroche pas. Ne mets pas de hola, Lola, hola. Allô, Lola, comme un garçon. C'est le cœur qui fait beau. Lola de la formation française Superbus. Ouais, poupée. Ouais. C'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. On a pris pas mal de retard, mais c'est pas grave parce qu'après ça, juste après la pause, on va voir Sylvain qui va nous présenter sa collègue du bon gars. Après ça, Justine Renaud va être là. Comme ça, ça va débouler bang, bang, bang, bang, bang. Ah, ça arrêtera plus. Ça va être génial. Et plus de musique du palmarès aussi. Ah, il faut. Fait que restez là. Ça nous anime. C-F-O-U 89-1. On est toujours ensemble à Drucky pour la semaine du 27 mai 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Stéphanie Paradis s'en vient dans quelques minutes. Donc, David Ferron nous a quitté quelques instants, mais il va être de retour tantôt. Oui, c'est confirmé. Désolé de vous l'apprendre. Mais non, on l'a assez repoussé. Hein. Il est avec nous depuis un bon petit moment et il patiente. Ben, tu sais, c'est le même, hein. Quand le gars, c'est un bon gars. On peut y faire ce qu'on veut. Vraiment. Tu sais, s'il marche sur le dos, pas trop bien ça. Pas de problème. Quand je vais être un bon gars. Pas d'alcool, pas de tabac. Va reste tranquille. Va payer mes billes. Va apprendre l'anglais. Va l'apprendre pour le vrai. Va voir des bons gants. Pas d'alcool, pas de tabac. Va mettre des bobettes. Va lire la gazette. Va checker les sports. Va compter les morts. Va passer mon check-up. Va faire mon catch-up. On va voir ce qu'on va voir, mon forcé en ciboire. Salut, Sly! Salut, boy, ça va? Ça va très bien, toi? Fantastique. Ça fait longtemps que t'es sur le bord de la plage, notre merveilleux resort, et t'attends de faire ta troisième chronique parce que t'as des choses sur le cœur, t'as des choses à dire. Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est bon la thématique, hein, la plage, le resort, parce que c'est vrai qu'on se créerait un peu à Cuba, hein? C'est pareil. Vraiment. Tu sais, à avoir le sandwich à David, puis le lunch qui va donner tantôt, ben on mange mal. les drinks sont cheap parce que mon rum and coke que vous m'avez donné goûte à rien. Pis, bon, hey, soyons reconnaissants un petit peu, on te donne du rum and coke à l'eau là, pour que ça nous coûte moins cher, mais au moins on te donne quelque chose. Hein? Puis ça sent drôle aussi, hein? Comme Cuba. Ouais. Ça sent le coconut. Ouais, qu'est-ce qu'on disait? Hein, qu'est-ce qu'on disait? On n'a rien dit à la date, je te dirais. On n'a rien dit. Je sais qu'on n'est pas ici pour apprendre. Ça c'est la morale ça, que tu nous c'est enseignes. Officiel, pas ici pour apprendre. Mais, tu dis tout le temps, ah, oh, Sylvain, c'est un bon gars. Mais si tu écoutes la chanson comme faux, là, ouais. Ça parle pas d'un bon gars. Ça parle d'un bon gars en devenir. Ha nuance. Ouais, il travaille fort, tu sais, il travaille fort. Mais c'est un peu ça que je fais moi aussi. Fait que là, cette semaine, j'ai comme été pris d'un cas de conscience. Le problème à ma mère encore, là, qui me parlait avec sa petite voix, puis qui disait, Sylvain, tu dis donc un peu, tu dis donc un peu. Fait que je m'assis, tu sais, sur mon pack-sac, mon crayon. T'es allé acheter tes livres, finalement. On se rappelle l'histoire où tu voulais photocopier ton livre, là. Ouais, mais ouais. Non, à coup de 4 heures à la bibliothèque. Tu l'empruntes, tu le lis, ouais. Tu le ramènes, tu le rembrasses. Okay. Fait que j'emprunte mon livre pour 4 heures, je m'assis, petit crayon, petit Red Bull, faire comme les jeunes. Ben oui. Et puis là, je suis motivé parce que l'examen, il est dans 4 heures, tu sais. fait que je suis installé, je commence, première page, paf, téléphone sonne. Pas le choix, réponds. C'était mes chums de Bessic. Hein? Les bikers. Ouais, ils disent allez là ouais Sylvain, on part en bicycle, on va aller faire une tournée puis tout. Là j'ai dit les gars, peut pas, faut que j'étudie puis tout. Ben, là, tu me connais, je me suis laissé convaincre. Ben j'imagine à coup de capet. C'est à peu près ça. Fait qu'en tout cas, pas la machine, on s'en va, on commence la run. Moi je reste à Shawinigan, fait qu'on dit on va commencer ça la halte. Hein, communément appelée la butte des putes. La butte. Okay. À Saint-Boniface. La Pure Butte. Ah oui, la Pure Butte. Fait que... En tout cas, on commence là, tu sais, fait qu'on s'assit, on commence, on prend un petit verre, on jase. Puis là, demain, je dis, ouais, non, qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a pas de danse, il n'y a pas de stage. Fait qu'elle dit, non. Ouais. Non, elle dit, il n'y a pas de divertissement ici. Elle dit, faut être dans la loge. Ben, je dis, tu sais, moi, je lis pas Playboy pour les articles, là. J'ai pas le goût d'aller jaser dans là. Je veux voir un spectacle. On est pas dans un train, puis je sais pas, je vais vous aider au Michaud, là. C'est ça. Hein? Fait que finalement, ça faisait pas. Fait qu'on rembarque ses bicycles, puis on dit, on va faire la tournée des bars de danseuses. Fait qu'on change. On change de place, puis là, on s'en va à un endroit charmant qui est maintenant appelé le Body Bar. Le Body, comme, pas comme des amis Body, le B-U-D-D-Y. Body c'est, comme le corps. C'est chummy certain. Là, okay. Mais les vieux comme moi se souviendront d'un endroit charmant aux teintes lilas et rosé saumon qui s'appelait Chez Tipois. C'est quoi ça, les typos? Vous me regardez? Non, c'est très vrai. C'est en région, là. C'est au bout de Durand, là, Saint-Jean, pas loin de Saint-Narcisse. Il y a un bar de danseuse perdu là qui sert plus de... De remise. De relais de skidoo, puis de quatre roues, puis de bicycle à gaz. Oui, tu m'avais dit que Tipois, c'était à côté de grosses saucisses patates pilées, j'aurais compris. C'est sûr que ça pogne, par exemple, ça, c'est sûr. Non, mais là, vous me faites sentir vieux là, quand vous me montrez que vous vous souvenez pas de chez Tipois. Mais en tout cas, moi, chez Tipois, ça me rappelle des souvenirs. Fait qu'on arrête là, puis là, c'était pas trop chic, là. Tu sais, il y avait une danseuse, mais elle était enceinte d'à peu près 7 mois, puis je pense qu'elle était légèrement déficiente. C'est pas très chic. Fait que là, mais là, j'ai dit à la fille, j'ai dit, ça doit pas être facile, là. La madame, c'est comme la propriétaire du bar, là. Tu sais, ceux qui ont vu le négociateur, là, Irma, là. Une espèce d'ancienne danseuse devenue tenancière de bar louche. Bon, on appelle plus ça une malpropriétaire, mettons. Ouais, ça peut vrai ça. Fait que là, elle dit, ah non, elle dit, on a pas de problème à faire venir des filles de l'extérieur. Ici, elle dit, on les fait venir pour la semaine. Mais là, je dis, ils doivent trouver ça long, certain. Elle dit, non, ils sont bien installés. Elle dit, quand le chiffre est fini, on les envoie dans le sous-sol. Puis il y a un petit congélateur avec des pizzas pochettes puis des spaghettis congelés. Je dis, waouh, la grosse vie, hein? Fait que, ils sont bien traités aux petits oignons et aux petits pois. Ouais, fait que ça faisait pas trop là non plus, tu sais. Fait qu'on rembarque sur nos bicycles, puis là, on descend au Scrabble. Le célèbre Scrabble! Là, vous reconnaissez un peu plus. Mais ça non plus, pas trop ma place. C'est trop propre. Ah, toi, t'aimes ça quand c'est crasseux. Ouais, tu sais, en partant, tu pars avec un nom d'intello pour un bar de danseur. C'est vrai, ça. C'est quoi, appeler danser les arpents de piège ou je sais pas quoi? Tant qu'à y aller, ouais, un autre, un légume, là. Les choux-fleurs. Mais non, bien, les choux-fleurs. Chez Gros Navet. Oui, chez Gros Navet. Fait que c'est ça. Fait que, ben là, on décide qu'on s'en va dans la capitale du bar de danseuse au Québec, et j'ai nommé Pointe-du-Lac. Oui. Où c'est qu'on débarque, là, au bar La Diva, qui était anciennement le Saint-Charles. La Diva, hein? Ça fait chic, ça. Ça fait chic. C'est Dion, ce vol-là. Oui, en effet. Ça fait une couple d'années qu'elle n'est pas venue, par contre. Non. Là, mais, René, par contre. Toutes les semaines. René, tout le temps, là. Assis au coin du bar avec ses lunettes fumées, comme si on ne le reconnaissait pas. Mais ça commence à être drôle, parce qu'on commence à être éméché un peu, tu sais. Puis ma soeur était avec nous autres. Oh, hein? Ben, tu sais, moi, je suis gros, je suis lettre, mais ma soeur, c'est parce qu'elle a tout hérité, tu sais. Elle a tout hérité, là, comme des plaies partout, ça vaut, non? Non. Elle a hérité de toute la beauté de la famille. Ah, OK, excuse-moi. Tu pognerais de quoi, plante, le mec? T'avais débarqué avec son chopper, là, puis... Ah, oh, ouais, c'est une biker dude, ça. Ouais, la grosse affaire. Sauf que là, t'es méchant un peu, puis là, on rentre dans la place, puis là... C'était un peu ironique, parce que, comme tout mon bar de danseuse, en arrière du stage, à Diva, il y a un miroir. OK. Puis le miroir reflète les tables. OK. Ça reflète ce qu'il y a devant le miroir. Ça reflète la salle vide qu'il y avait en avant du stage. Mais ça a l'air deux fois plus grand et deux fois plus vide. Mais comment je te dirais ça? Elle, dans sa confusion, elle veut aller à la salle de bain. Puis elle pense que c'est un espèce de prolongement de la salle. Pour se diriger vers là, elle monte sur le stage 3-4 marches, puis elle se tape la face dans le miroir. Ah, comme un oiseau! C'est ça. Fait que là, elle se revire en dehors, qu'est-ce qui arrive, tu penses? Elle t'applaudit. Hein? Fait que si t'as jamais vu un beau malaise, là, je te jure, c'était de toute beauté. Magnifique. Mais ça bat une coupe de malaise qu'on a faite ici. Là. C'est haut, là. La barre est haute. Vu que David n'est pas là, on a moins de chances d'en avoir un autre pour 10-15 minutes encore. C'était quelque chose. Fait que là, on commence à être amoché pas mal, mais on prend notre courage à deux mains et on dit on va se rendre à Berthier. Berthier, l'entre-deux entre Montréal et Trois-Rivières. L'entre-deux entre Montréal et Trois-Rivières. Demande-moi pas le nom du bar, je m'en souviens plus. Mais on arrive là, puis là, on est assis. Puis là, à un moment donné, mon chum, le grand Marc, il arrive en arrière de moi, il me tape sur l'épaule, puis là, il s'accote, puis il dit « Sylvain, ça me brasse en pièce. » Ben, j'ai dit « Comment ça? » J'ai dit « Soirée achève, là, on s'en va, là, tu sais. » Et il dit « Non, non, tu comprends pas. » Puis là, quand il me dit ça, je vois le doorman en arrière de lui, là, qui fait à peu près le double de sa taille. Et il dit « Je me suis endormi dans l'âge avec la danseuse. Il faut que je la paye. » Ah, oh, ça compte pendant ce temps-là. Ben, donc, ça compte dans ce temps-là. Elle te laisse dormir le plus. Fait qu'en tout cas, fait qu'on est... on est parti de là. Je t'ai dit une mauvaise chance qu'on était en baissé, qu'on n'aurait jamais été capable de marcher. Ah! Puis on est retourné à la maison, là, puis ça a été bien le fun. Fait ben là, oui, j'imagine. Là, c'est l'heure de ton examen, là, dans tout ça. J'avais. Je l'ai manqué, celle-là. Ah oui. Je l'ai manqué. T'avais manqué la première semaine au complète de cours, on se rappelle de ça. T'as vraiment bypassé la première semaine de cours. Et là, t'as manqué ton premier examen. Oui, mais je vais aller à la reprise. Moi, oui. Puis on n'est pas ici pour apprendre. Non. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'avais un autre examen le lendemain parce que là, c'était comme la. Comment qu'ils appellent ça, là, la mi-session? Comment qu'ils appellent ça déjà, là, la mi-session? La mi-session. Fait que là, pour l'autre examen, dans le fond, qui était mardi, ça c'était lundi, le mardi, là, j'ai dit là, c'est vrai. Là, là à soir, j'étudie. Là, fait que là, je m'installe. Oui. Hein? Sac à dos, petit crayon, petit Red Bull, faire comme les gens. La TV ouverte, le portable, le téléphone, tout est là pour te déranger. Mais là, t'es-tu encore à la bibliothèque, là? À maison cette fois-ci. Ouais. À maison cette fois-là, parce qu'à la bibliothèque, je suis pas capable de me concentrer. Je veux dire, les filles partout, puis le bar, puis... Ça a-tu du mal à la charge? Je sais, je l'ai essayé. Il devrait installer un bar dans... La bibliothèque. À la place d'étudier dans la chasse, tu dirais. Ouais. Concept. Oh, trop pire, hein? Concept. Oui, d'avoir des bières cachées. Les bières cachées dans Il y a une pompe à fût. Ah, libre service avec des 30 sous, là, tu sais. Oui. Ou tu tires sur un livre, ça fait pivoter tout le kit. Là. Ah oui, c'est parfait, ça. Oh, de quelque chose. Tu sais pas, mais ça existe. En tout cas, fait que là, c'est ça. Là, je t'assis chez nous, c'est sérieux, ouais. J'étudie, on est mardi, téléphone sonne. Évidemment. C'est Tyloo. Hey, toi, là, t'as le grand Marc, t'as Tyloo, t'as le doorman qui était plus gros, fait que c'est comme Mega Doorman. Ouais. C'est tout que tes classes partent de grandeur. Hein? C'est comme Mega Man, mais Mega Grand Man. C'est ça. Fait que Tyloo qui appelle, il dit Sylvain, tu viens-tu à la balle à soir? Il dit, parce que là, c'était le match d'ouverture des aigles qui a été remis parce qu'il y avait eu des gars d'eau au stade, la pluie, tout ça. Puis le mardi, c'était vraiment la meilleure journée. Probablement, les hot dogs sont à une pièce. Pas cher. Toujours gagnant. Bob Bissonnette est en spectacle. Wow. Fait que là, Tyloo qui appelle, puis là, il dit Sylvain, il dit, tu viens-tu à la balle à soir? Fait que. Je dis, je peux pas. Mais essaie de me convaincre, là. Je dis, faut que j'étudie, parce qu'à soir, j'ai un examen. Ben, il dit, fait, tu n'as rien qu'à faire l'école buissonnière. Ben oui, il n'en a pas fait assez de ça, lui, encore. Ben là, je dis, ah, tu sais, là que ça marche pas de même, là, tu sais, sérieux, j'ai manqué celui d'hier, là, faudrait peut-être que j'y aille. Fait que là, il dit, tu comprends-tu à cette heure comment je me sentais? Puis là, il m'a fait revivre toutes les fois. Hey, c'est pire qu'à ta mère, ça. Toutes les fois où c'est que je l'ai appelé puis que j'y ai dit, ah ouais, là, tu l'as que pas besoin d'aller à tes cours. En tout cas. Fait que là, je dis, non, regarde, tu sais que je vais faire? Je vais faire un deal avec toi. Là. J'ai dit, je vais aller faire mon examen en vitesse à 7 heures. La balle commence 7h05. Bah. Fait que je dis... T'as un bon 5 minutes pour faire le. Je devrais pas arriver trop en retard. Puis là, on m'a expliqué que... Là, j'arrive. Là, j'ai plus ou moins étudié parce qu'on a passé l'après-midi à me faire convaincre. Fait que là, j'arrive à l'examen. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a expliqué, dans le fond, que ça suffit pas d'avoir 60. Hein? Ça a rapport avec la moyenne du groupe. Puis là, faut que tu te rapproches de ça. Fait que plus la moyenne est basse, plus tu as besoin d'une moins bonne note. Fait que moi, j'ai pris une décision. J'ai dit, gars, j'ai pas étudié pareil. Moi, me sacrifier pour l'équipe. Check mon bain, Vincent, moyenne. Oh non. À la place, t'aurais pas pu convaincre les autres d'avoir des mauvaises notes pour que ça monte tout le monde là en note. Plus délicat. C'est délicat. Pas pareil. Non. Non. C'est une technique comme une autre. Fait que je décide de planter ça en beauté vu que j'avais pas étudié pareil. Tu sais, une pour l'équipe. Un peu comme quand tu vas au bar, là, tu sais, t'es avec 3-4 chums, puis là, il y a une table avec 3-4 filles. Il y en a une qui est pas belle, hein? Chacun son tour, ça n'a pas belle. C'est ça. Ça en prend un qui se sacrifie, on appelle ça une pour l'équipe. Ah, table! En prenant une pour l'équipe. OK, j'avais entendu une poule équipe. Non. OK, c'est une poule équipe. Je ne sais pas si c'est un terme. Fait que finalement, même à répondre n'importe quoi, c'est quand même assez long faire ça, ce maudit examen-là. Fait que j'ai manqué 3 manches de balles. J'étais arrivé à peu près à 8 heures. Tu sais. J'ai manqué 3 manches de balles. J'avais manqué les 7 premiers points. Tu sais. Ça avait bien parti pour les ex. Ça a fini 101. Les 7 premiers points avaient eu lieu dans les 3 premières manches. Fait que j'ai manqué. J'arrive, je m'assis sur mon banc, parce que j'ai un banc réservé, tu sais. Et ce qu'ils ont fait là-bas, dans le fond, c'est la ligne du 3e, dans le haut de la rangée. Ils ont enlevé un appui-bras entre 2 bancs. Tu sais, faut quand même que je rentre mes grosses fesses à quelque part, là, puis c'est pas standard. Je m'assis, l'autre équipe frappe un circuit. En partant, paf! Fait que là, j'ai dit, bon, ça y est, là, je me sentais un peu coupable, tu sais. J'ai dit, ça va être, c'est de ma faute. Fait que c'est ça. Fait que là, Tylo qui est là, puis il y a le gros Pat aussi. Le gros patin, ouais, gros pat. Grand, petit, t'as toutes les 16, ouais, hein, ouais. C'est ça? Mais ben lui, c'est un méchant numéro, là. C'est un vrai, là. Tu sais, le cou gros comme sa tête. Okay. C'est un coach de football, là. C'est le nouveau coach en chef de la nouvelle équipe à Trois-Rivières, le Phoenix. Mais c'est un vrai, là. Comme dans les shows américains, là. Il sort, il a son polo de l'équipe, la calotte a sorti, tu sais. Il est fier, les petits shorts, tu sais. Le look de l'emploi. Ouais, ouais. Puis moi, puis Pat, on s'est connus parce qu'on a joué au rugby ensemble plusieurs années. Fait que ça crée vraiment des liens forts. Là. C'est facile à reconnaître des gars qui jouent au rugby. Premièrement, ils ont toujours la barbe pas faite. Quand ils se voient, ils s'embrassent. T'sais, parce qu'il faut te dire, ça crée des liens. Parce que deux gars qui ont joué au rugby ensemble, t'sais, ça veut automatiquement dire qu'ils ont dansé en bobette, ils ont pris un coup dans un soulier sale, puis ils ont un excellent répertoire de chansons cochonnes. C'est des automatismes. Mais c'est ça. Puis t'sais, je me souviendrai toujours, c'était un joueur tellement intense, là. Deux petites anecdotes vite là-dessus. Là. Au rugby, là, quand tu rentres dans la zone pour aller marquer, il faut que tu touches le ballon à terre. Sinon, le point n'est pas bon. T'sais, au football américain, tu rentres, c'est fait, il faut être touché à terre. Fait que là, de manière, on a une espèce de mêlée. Le gars est à quelques centimètres d'aller toucher le ballon à terre. Puis de manière, je le vois dans son visage, il lâche un cri de douleur, puis il échappe le ballon. Mais je dis, comment ça? Donc le point n'était pas bon. T'sais. Puis là, je regarde un peu, puis le gros Pat est en train d'y mordre un mollet, je te jure. Hein? Mais, ou une autre fois, un autre joueur se fait frapper, tu sais. Il avait la tête dans les airs, soit le ballon dans ses mains. Au même moment, un gars qui avait 3 fois sa taille, le frappe avec à peu près 40 verges d'élan. Dans le temps, là, les commotions cérébrales, on n'a pas entendu parler de ça ben, là. Fait qu'on faisait pas attention à ça. C'est sûr que le jeune était en commotion cérébrale grave. Je veux dire, il y avait du sang qui coulait par les oreilles. Fait que Pat, il prend son maillot. Il essuie un peu le sang là, qui sortait des oreilles puis du nez du gars. Il donne une petite tape ses fesses puis il donne un petit coup de tête, tu sais, question de le motiver. Ah oui, ben oui. Puis il dit, OK, mon homme, on y retourne. Et la même scène. Le même gars, le botté, le gars, la tête dans les airs, pogne le ballon, 40 verges d'élan. Paf! Ça a été fini. Le petit gars a pu jamais jouer au rugby. Je te jure. OK, il est pas mort, là. Je te jure. Fait que, en tout cas, pourquoi je vous contais ça? Ouais, c'est ça. J'étais assis dans mon banc. J'étais assis dans mon banc avec le poteau qui manque entre les deux parce que mes grosses fesses prennent 2 bancs. Pat à côté de moi, une bière dans une main, 2 hot dogs dans l'autre. 2 hot dogs parce qu'il y a une tricks, le gros bâton, je te jure. Il fait un move, OK? Il se déborde la mâchoire. Hein? Puis il combine ça avec une espèce d'ouverture des joues. Ce qui permet de rentrer les 2 hot dogs en même temps, mais bien relax, tu sais. C'est un peu comme un robot, ça fait cloc, cloc. Il rentre les 2 hot dogs, puis ça ferme un peu comme une mâchoire de pantin, là, tu sais. C'est normal dégueulasse. Ah ouais, je trouve ça écœurant. Ouais, c'est écœurant. J'aimerais pas. Prenez en vidéo. Fait que c'est ça. Ça a été vraiment, vraiment un bel après-midi à la balle avec Ty Luke, là, puis gros Pat. Puis après ça, le show sa terrasse, Bob Bissonnette, puis une pour l'équipe. J'ai manqué mon examen en beauté. Vous me remercierez plus tard. Je suis sûr qu'ils vont t'envoyer une lettre de remerciement. Ouais, je suis convaincu. Ils vont dire, hey, la moyenne n'est pas haute. Hein? Ben non, hein. Aïe, quelle affaire, quelle histoire. Pis sinon, vous autres, ça va. Correct, on est là sur le bord de la plage, puis on se fait aller les orteils. À Cuba. Ça fait griller, tu sais. On n'est pas à Cuba, en fait, c'est fou, on peut pas vraiment se permettre Cuba. Là. On est évidemment à la plage du fleuve Saint-Laurent. Fleuve Saint-Laurent, c'est ça. Tu sais que Cuba, l'été, c'est pas cher. Ah non? Ben non. Ben on va voir pour la semaine prochaine, peut-être. Il doit avoir une raison, par exemple. Il ne manque pas d'eau là-bas. Mais plus qu'on parle de plage, là, ouais. je vais vous donner ma recette de sangria. Vas-y, donne-nous ça, une bonne petite recette, là, facile à faire, j'imagine, toi, qu'on n'est pas ici pour faire les grosses recettes de Ricardo. Là. Pas ici pour travailler fort, c'est non. Ça. Mais ça vaut vraiment de l'or, cette recette-là. Souvent, on va faire la sangria avec du vin rouge, là, puis du jus d'orange. Puis, trop facile. Ouais. Ben, c'est que moi, je trouve que ça donne un résultat vraiment qui est opaque et puis sucré pour rien, puis relativement faible en alcool, tu sais, parce que tu coupes le vin. Fait que ce que je vous suggère, là, c'est super simple. Là. Au lieu de prendre du vin, vous allez prendre du Porto. Pas besoin de prendre un grand Porto. Tu sais, il y a des produits qui sont le Porto canadien qu'on appelle, ou le Porto australien, qui dans le fond qui sont tout simplement un vin fortifié là, qu'on va trouver peut-être pour 12-13$ le litre. Tout ça, c'est à SQ, tu prends ça pour apporter à Porto. Dans un sac à papier brun, s'il vous plaît, pas de bouchon. Mais et puis là, tu prends la dite mixture qui c'est environ 20% d'alcool et non 11 ou 12 comme une bouteille de vin normal. Si tu as le temps, tu vas le laisser macérer avec tes agrumes, quelques cerises en pot. Puis si tu aimes ça dirty, tu vas mettre un peu de sirop. Du pot de cerise. OK. Ensuite de ça, le lendemain de préférence ou la journée même, ce que tu vas faire, c'est que tu vas allonger ce mélange-là avec de l'eau gazeuse plutôt que du 7-Up. Club soda. Club soda. Mais club soda, où tu peux prendre un Perrier, ces choses-là. L'escol, donc, le sucre du breuvage vient du Porto plutôt que du 7-Up. Fait que quand t'es rendu à 4 pichets, ça écœure moins, tu sais. Uh-huh. Et puis, si t'as mis trop de jus de cerise, ben, puis c'est trop sucré, ben, tu le coupes avec de la vodka. Ça vient diluer. C'est aussi simple que ça. Fait que vous prendrez ça à ma santé, puis sur la plage. On pourrait s'en faire un gros pichet la semaine prochaine. Au lieu de votre maudit rum and coke de cheapette. Bague, hein? Chante pas, là. C'est un verre en plastique, flat. Aucune reconnaissance. Aucune. Jamais. C'est moi qui va s'occuper des drinks à l'avenir. Parfait. On te met là-dessus. Merci, Sly. Ben, c'est moi qui vous remercie, les gars. Bonne semaine. Ouais. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Amuse-toi bien. Bingo. Nous, on va retourner en musique. Écoute un petit peu le palmarès francophone. On va sauter par-dessus quelques trucs, par contre. On saute par-dessus les positions 17, 16 et 15. En 17e, il y aurait eu Jean-Philippe et Ma tête dégèle. En 16e, on aurait eu Forêt avec Corps maquillé. Et en 15e, Sarah Rap avec Absinité qui est là depuis 8 semaines. On s'en va tout de suite à la 14e position francophone. Oui, on va écouter Atomic Baobab et Pink Floyd. À son âge requis, à la place! Oui! Oh. Gilly, c'est tiré. Zoui, zoui! Ah! Qui peut être le fun, mais ce poids-là, c'est l'horreur, le sommeil. Tu peux voir sur le plancher des traces de ça. Des histoires de cousine, de pick-up, de mort dedans. Show up, man, you're my friend. Toujours Assemblage Requis à la plage avec Jean-Philippe Charbonneau, Stéphanie Paradis. Ah, Colin, pourquoi j'ai fait ça? Et Mathieu Plante. Je suis en train de tout sacrer à terre. Ben voyons. C'est un bouton de ma console fait avec des coconuts, c'est bien normal. Ah ouais. C'est pas fait fort, les coconuts, là? C'est le lait de coco, hein, ça colle. C'est ça. Parlant de coconuts, j'ai mangé un super de bon yogourt tantôt. Coconut, ananas et banane. Hein? Tu as goûté les petits cocktails que je me fais à la fin de semaine? Smoothie? Non, cocktail. Tu t'entendrais bien avec notre ami Sly qui nous a quittés entre-temps. Ouais, non, ben, je l'ai croisé. Il m'a envoyé chier. Hey! Mais est-ce que tu as entendu sa nouvelle recette de. De sangria? Sangria? Non, malheureusement. De l'autre côté, ça écoute de la musique de mauvais goût. Oui. Genre Rihanna. On les juge pas. Non, je les juge pas, je juge Rihanna. OK. donc, nous, on est là pour vous jouer de la bonne musique, pour compenser pour toute la musique que vous avez autour de vous. Stéphanie est là pour le reste de l'émission. OK, yes. Par contre, Jean-Philippe, tu vas nous quitter bientôt. Éventuellement, oui. Très bientôt. C'est triste. Est-ce que tu veux m'aider à présenter la prochaine pièce? Oui. Puis après ça, je vais laisser officiellement Steph le faire. Tu vas faire tout le reste de l'émission. Oui. Là, tu pourras pas le faire par-dessus moi. Là. Ben non, c'est sûr. Mais je veux dire, tu sais, voix sur voix. Parce que on fait de la radio assez éloignée habituellement. À 2 mètres environ. Est-ce que vous voulez l'essayer en même temps ensemble? Oui, on pourrait essayer. C'est numéro 13 franco. Numéro 13, vas-y. Ben. On commence par de gauche à droite. OK. 13. Ça se prononce comment ça? Pierre Quenders. Quenders? Ouais, c'est ben, comme. Je me fais dorer à Quen. Mais ce que je comprends pas, par contre, en lisant sur le palmarès que c'est Pierre Quenders avec Mardi Gras, nanana. Sur le Bandcamp, le nom du groupe, c'est Pierre Quenders. Puis le nom de la pièce, c'est Mardi Gras avec Jacobus. Fait que je pense que c'est un. Ah oui, c'est une version! Je pense que le nom de la pièce, c'est vraiment Mardi Gras. Hein? Avec Jacobus. Ouais. Fait que je vous ai donné la chance de le dire, mais c'est complètement faux. Bon, ben. Fait non, que finalement, ben, on va aller écouter ça. Là. Ben ouais, c'est normal, c'est le numéro 13. Il porte malheur. Ah! C'est voulu. Un on bon est concept. Point. Après ça, David Ferron va être de retour pour nous faire goûter quelque chose dans la chronique de quelque chose de la semaine. Puis il est habillé, hein, rassurez-vous. Ben là, on sait jamais. C'est pas une plage de nudistes? Non, pas de plage. Bangu, tu n'as pas de du moyen, à quoi y est-il?

Non, je suis abusive. Ça fait je sais pas combien de café je bois aujourd'hui. Ouais. En tout cas. Ben cool. C'est ça, en gros j'ai pas faim, mais c'est je la regarde puis mes yeux aiment ça, là. Mes yeux aiment ce qu'ils voient. Ouais. Le nez aussi, hein. Faut pas oublier. Ça sent. Ben, tous les sens, hein, quand tu la touches, elle est très, très texturée aussi. ça devient collant, hein, comme on dit, à la longue. Peine, ouais. À peine. Une chance qu'il a amené des serviettes de table, notre David. Donc, Justine Renaud, la raison pour laquelle tu es avec nous, on s'ennuyait toi la semaine passée. De quoi, il y a une raison pour laquelle je suis ici, plutôt qu'il y avait une raison pour laquelle j'étais pas là la semaine dernière. Aussi, fais attention à ce que tu dis. OK, ben, commençons par. Avant de commencer par la semaine passée, commençons par ton intro. Ben, introduisons-nous. Oui. Pénétrer. Ah non, c'est vrai, avant. Enter. Avant, on dit tout le temps avant ça. Nous autres aussi, on peut procrastiner. C'est ça. avant ça, Jean-Philippe Charbonneau nous quitte. Oui, je dois quitter. Le devoir m'appelle. Oh, hein? Dans la police. Je peux prendre sa portion de poutine? Ben non, c'est correct, David l'a fait. Oh, hey, ça a pas été long, non? Hein, c'est ça. J'avais les yeux ouverts, j'ai cligné les yeux, puis la poutine, bap! C'est comme I Dream of Genie, mais I Dream of Poutine à la place. Ah, c'est bon, il y en a même pas dans la barbe. Ah, t'es bon. Non, mais j'en ai fait dans le dos. Ben, il n'arrête pas de te toucher depuis tantôt, David. Ah, tes mains, je m'en suis ennuyé de tes mains. C'est pour ça que je m'en vais, je suis trop mal à l'aise. Non, mais je serai de retour jeudi prochain. La semaine prochaine, oui. Jeudi, 14h. Il n'y a aucun outil requis. Oui, c'est disons-le, tiens, avant que tu t'en ailles. Aucun outil requis, c'est l'émission que tu animes tout l'été, live. Live. Ça dépend quand est-ce que vous le prenez, des fois c'est live. C'est ça. Le mercredi, oui. À 13h. Explique-nous d'autre le concept de ton émission, aucun outil requis. Ben, dans le fond, comme tu le sais, Mathieu, puisque on animait ensemble, ben, je suis arrivé sur le tard un peu. En janvier, oui. Ouais. C'est l'assemblage requis de la saison régulière, si on veut. Et puis avant moi, il y avait François-Olivier Marchand. Donc, c'est les chroniques qu'on reprend, les chroniqueurs qui étaient là, que vous avez peut-être manqué à la maison, dans l'auto. Donc, on prend un chroniqueur par jour, on peut dire ça comme ça. Oui, ben, par émission. Par émission, et on écoute ses chroniques. Et puis moi, je suis là et j'interagis avec quelqu'un qui a déjà passé par là. Et t'écoutes les chroniques tout le long jusqu'à temps qu'elles finissent. Après ça, tu passes à une autre. Puis, oui, mais ça permet d'avancer mon tricot. Et voilà. Donc, à date, on a eu Maxime Bilodeau, Maxime Tanguay, Michel Lebrun. Qui était très bon, hein, d'ailleurs, Maxime Tanguay, cette semaine. C'était excellent. Il va être en reprise les samedis. Samedi matin à 10h. Yes. T'étais pas là à cette époque-là. C'était à l'automne, c'est la chronique. Non, donc je l'écoutais pour la première fois, mais j'ai adoré. Il va y en avoir d'autres de ça, des émissions avec Maxime Tanguay pendant l'été, parce qu'il y a une quinzaine de semaines, 15-17 semaines pendant l'été, et les thèmes reviennent. Donc, il va y avoir plusieurs épisodes, mais différents avec Maxime Bilodeau, avec Maxime Tanguay. Donc, surveillez ça les mercredis à midi, les samedis à 10h avec Jean-Philippe Charbonneau. Oui, monsieur. C'est aucun outil requis. Voilà. Et sinon, bon, on se revoit, nous trois, ensemble, jeudi prochain. On te fait tous bye de loin, sur la plage. Bye! Fais comme au coucher de soleil, comme Lucky Luke. Oui. Ramenez-moi ma serviette, OK? OK, je vous la laisse. Va-t'en en parlant, genre, comme si tu t'en allais. Ah, okay. T'en vas sans ta serviette? Non, je vous la laisse. Il me la laisse. Bye, merci. On dirait un sketch de David Ferron, mais finalement, c'est Jean-Philippe qui est dans ce rôle-là. Ça pas, c'est en vrai. C'est en vrai? Ah. Comment? En vrai! OK, bye! Bye! Ben, mais il y avait un speedo dans les fesses. Oui, hein? Ça fait bien. Ouais. En tout cas. C'est chaud. Are we ready? Yes, we are! Voici Justine Procrastine. Non, ça, c'est le fond, excuse-moi. Ah, ben c'est correct, mais c'est un bon fond. Avouez qu'il était écœurant. C'est très bon fond. Il est vraiment écœurant pour procrastiner. Oui, je vais remettre ça dans l'ordre, OK? Attention, on rewind la machine. I'm ready. C'est là que le camion arrête de faire des bip-bip pendant comme une heure de temps. All this talk, all this ticking, all this shit talk, kicking in my head, I'm standing in bed today. And it doesn't matter what they have to say to me. Or do not care just what they have to say to me. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Ah, que je l'aime, mon intro. Ah, t'es carrément. Alors, ben bonjour. Oui, la semaine dernière, en fait, j'étais absente de ma présence absente. J'étais à Toronto, je suis désolée. Toronto, une ville odorante. Ma foi, je trouvais que ça sentait les ordures pas mal. Mais bon, il faut les pardonner, ça en ben trop. Oui, ben j'imagine que tu venais compenser par ton doux parfum. Ben, non, j'ai pas amené de déo pour me mettre à leur niveau. Non, c'est pas vrai, sérieux, c'est juste que les grandes villes, je trouve que ça sent. Je trouve que, étrangement, Montréal ne sent pas dans mon nez. Mais Trois-Rivières, oui. À cause de la Kruger. Ben, Trois-Rivières sent la Kruger. Rureur, ça donne. La fureur. La fureur. Heil Kruger. Ouais, fait que ça sent la Kruger. Mais non, Montréal, je trouve que c'est une ville qui sent bon. Bon. Ben, donc, merci Montréal de sentir bon. Félicitations. Ben, une chose qu'on fait bien. Donc, qu'est-ce que t'es allé faire à... J'étais au Canadian Association for Neuroscience Meeting, les neurosciences au Canada. On est vraiment, vraiment bon mondialement, sérieusement. On est assez fort, merci. Puis c'est assez impressionnant de voir ce qu'on fait. Hey! Mais hey. Non, ça a l'air que toi aussi, t'as l'air assez bonne d'après ce que j'ai vu sur le portail de l'UQTR. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Il y a ta face! Ouais! Il y a tout le temps ma face! Là, je suis super contente parce que là, ma face est plus là. Fait que les gens vont arrêter de. Non, mais attends, là, il est revenu. De m'interpeller. Là, il est là. En ce moment, elle est là, je te jure. Ah, ouais, mais t'es belle, comment? T'es directement sur le front page. Ben, là. Écoute, c'est gentil, sérieux, David, d'avoir remarqué mon joli minois. Ouais, mais c'est tellement pour des bonnes raisons en plus. Oui, c'est des raisons. Fait que c'est ça. Des raisons que tu vas dire? J'imagine parce que c'est trop compliqué, super scientifique et blablabla. C'était pour la remise de prix pour l'excellence au cycle supérieur, quelque c'est chose exact. Du genre. C'est le déganat des études de cycle supérieur et de la recherche de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui a procédé récemment à la remise des prix soulignant les meilleures mémoires et thèses réalisées par les étudiants des cycles supérieurs. Ah, mais moi, j'ai ni mémoire ni thèse. Ben là, tais-toi. Fait que t'es doublement excellente. Ouais. J'étais là pour aucune raison. Et voilà. Donc, c'est ça. Mais on peut aller directement au groupe, hein? Parce que moi, ça me met un peu mal à l'aise de parler de ces affaires-là. Oh, tous les compliments. Mais c'était gentil, par exemple, je te remercie. Ouais, mais on voulait quand même le souligner parce que. Soulignons que j'ai ma face sur le portail. Moi, je t'ai ému, là, on était avec une sommité quand même. Une sommité. Oh, comité gentil. Je t'attends pas. Oh, sommité gentil. Hey, je suis désolée, je crappe les jokes à François. Non, c'est bien réussi. Mais pour ceux qui veulent savoir, t'es la case numéro 2 sur QTR.fr. D'accord. Oh, OK, c'est pour ça que je me voyais plus. C'est ça. Je suis à la case. C'est après le char de course. Charles Lecourt, Justine Renaud. Charles Lecourt, Justine Même Renaud. Combat. C'est bon, ça. Je sais pas pourquoi ils ont pris ma photo, d'ailleurs, mais là, on va aller directement à mon bal parce que sérieusement, sinon, on n'aura pas le temps. Oui, ben vas-y, on a le temps. As-tu remarqué que je parle vraiment, vraiment vite? Un petit, moi, ben, tu sais, on t'a déplacé un petit peu. Et voilà, puis ça n'a aucun lien avec mon band qui s'appelle The National. Parler vite de The National n'a aucun lien. Non, mais le connaissez-vous le band de The National? Moi, j'aime bien ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une voix très rauque. Hein? Oui, mais grave. Grave. Rauque, en fait, lisse, mais grave. Lisse et grave. Lisse et grave. Lisse et doufère. Lisse et doufère. Faut pas commencer là-dedans. Encore du pire, ça. Oui. Et moi aussi. Un jour, il faudrait que je me tape ça pour comprendre vos blagues. Ben c'est ça. Fait que pendant que j'étais à Toronto, en fait, j'ai écouté The National pendant que j'étais dans le train. Hein. Merci Via Rail pour ces trains. C'est important de souligner. Sans train, je me serais pas rendue. Et The National, enfin, qui est un groupe indie rock américain qui s'est formé en 1999 dans l'État de l'Ohio. Ohio, Ohio, Ohio. Exactement comme dans Drew Carey Show. J'adore Drew Carey. Hey. Il faut pas en parler. Arrête. Okay. OK, on continue. On the right track. Le band est composé, un, du chanteur et compositeur principal Matt Berninger et de deux paires de frères. Deux paires de frères. Deux paires de frères. Fait qu'il y a Matt Berninger qui n'a aucun rapport, mais pourtant, c'est le chanteur et le compositeur principal. Et il y a les deux paires de frères. Tout d'abord, il y a les jumeaux Aaron et Bryce Dessner. Aaron à la guitare et au clavier, Bryce à la guitare. Et les frères non-jumeaux. C'est important de le souligner, parce que sinon, on pourrait les ostraciser pour leur jumeauté. Il y a Scott et Brian Devendorf. Scott étant le bassiste. Le bassiste. Le bassiste. Le bassiste. Wow. Étant le bassiste et Brian, le batteur. Vous comprenez pourquoi j'ai dit batteur. Les deux frères, c'est des petits Baptistes. Bon, alors, je vais vous dire quelque chose à la radio de vraiment dégoûtant. Je vais avaler ma salive. OK, vas-y. OK, on te regarde. Oh. Ah, merci. Ah, j'ai manqué le son. C'était pas assez rapide, mais putain. Je sais pas. C'était attendrissant. Ouais, vraiment, c'est charmant. Ah, c'est important que je le fasse parce que sinon, il y aurait eu de la baffe partout sur le micro. Ouais. Hey, puis c'est un génie, ça, là. Oui, oui. On va dire sa page d'accueil. À sa misère, à baffe partout sur le clavier de son ordi. Bref, si on récapitule, il y a un chanteur puis deux paires de frères. C'est important d'avoir des frères puis des sœurs souvent, là, les plus grands bandes, ils ont des frères puis des sœurs à quelque part. Hein? Ouais, ouais. Et les Hanson, entre autres. Oui, ben, c'était des sœurs, ça. Hein? Hey! Je pensais que oui au début, comme tout le monde. On a toutes pensé ça. Fantastique. Pauvre petit pit. Mais ils font encore carrière. Oui, oui, oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Oui. Qu'on peut appeler dans ça une la carrière. Studio, genre. Je sais pas. Non, ils ont sorti un album l'année passée. Sérieux? Oui. Genre, ils ont été lâchés au HMV puis ils l'ont sorti du magasin. Je comprends pas. Ils l'ont mis dans la section grenier. Tout ça pour dire que dans mon émission La procrastination, Justine procrastine. Alors moi, c'est pas moi qui procrastine. En fait, c'est les autres. On devrait appeler ça Les amis à Justine procrastine. Ouais. Et si on parle de The National, on compare souvent ce groupe à Joy Division, Leonard Cohen, Wilco, Nick Cave and the Bad Seeds. Et si on écoute attentivement les chansons, et même non attentivement parce que c'est assez flagrant, on retrouve vraiment dans la voix de Matt un son très baryton, puis une ressemblance avec les voix de Johnny Cash et de Ian Curtis, le chanteur de Joy Division. Okay. Alors, une voix que j'adore énormément. Là, c'est super plaisant à entendre. C'est pas partout fatigant. Et vous me demanderez pourquoi The National comme nom de groupe, parce que c'est quasi, on peut le dire, c'est plate là, comme nom de groupe. Ben, disons que c'est difficile à trouver sur Internet. Là. C'est un mot... Insignifiant. Mais c'est justement pour ça que les cinq membres ont choisi ce nom. Okay. Et ils trouvaient que The National, ça sonnait bénin. Ouais. Comme une tumeur bénigne. T'écoutes une tumeur, ça dit pas grand-chose. Mais si elle est maligne, elle oublie ça, là, ça te raconte des bêtises. Ah, c'est pour ça que je raconte vraiment des niaiseries. Bref! C'est notre job, ça, nous. Il y a longtemps, Matt Berninger avait formé un autre groupe avant The National qui s'intitulait Nancy, d'après sa mère. Sa mère s'appelait Nancy. Tu savais qu'on va l'appeler Nancy. Nancy. Puis c'est ça, dans le fond, il a nommé son band après sa mère. Je ne sais pas ce qu'il y avait contre lui. Contre elle. Son beau maire. Mais il a formé ce groupe, Nancy, avec le bassiste Scott Devendorf. Là, un des frères, c'est ben ça. Oui. T'es donc bien bon. Mais il a donc bien une bonne mémoire, Mathieu. Pire, hein? Il devrait avoir sa face sur le devant du portail de l'équipe. C'est souvenu d'un nom d'un des deux frères. Dans, en tout cas. Oh. Bon, fait que, hein, il y avait Nancy. Mais de l'autre côté, pendant ce temps-là, le frère de Scott Devendorf, qui s'appelle Brian, lui, il avait un autre groupe, en fait. Il y avait des activités musicales avec les jumeaux Aaron et Bryce. Okay. Fait là, il y avait comme... Puis là, à un moment donné, ça s'est comme tout rencontré au milieu, puis ils ont fait The National. Ils ont arrêté d'écœurer la mère à Matt. Nancy! Alors, ça commence par la même lettre. Fait que déjà, il y a comme un hommage par les deux mêmes lettres. Nancy. N-A. Ben oui, ça se ressemble vraiment proche, hein. Puis c'est ça. C'est là que The National a vu le jour. Et aujourd'hui, ils sont situés à New York, puis ils comptent pas moins de 6 albums à leur actif, à leur sédentaire. Je suis vraiment tannée aujourd'hui. J'arrête pas de lâcher des... Je suis pas capable. J'ai comme la diarrhée verbale de jeu de mots poches. Ça coule de partout comme la sauce de la poutine. Exactement. Ça donne un break à Mathieu. C'est ça. Moi, j'ai rien à dire. Je la laisse faire puis j'ai ri. Non, mais c'est tellement mauvais. Je suis vraiment désolée, les gens à la maison qui ne comprennent pas depuis tout à l'heure. Je vais vraiment enchaîner avec, dans le fond, les 6 albums qu'ils ont fait. Il y en a gros que j'ai aimé là-dedans, dont The National, qui est sorti en 2001. J'ai vraiment aimé. Sad Songs for Dirty Lovers de Metro, aussi très bon. Alligator 2005. Boxer 2007. Boxer, qui est mon préféré de tous leurs albums. High Violet 2010. Et leur petit dernier, Trouble Will Find Me, 2013. Donc ça, c'est sorti assez récemment. J'ai pas eu l'opportunité de l'écouter, malheureusement. Mais avant, là, on va aller en chanson. Je vais faire des exercices de langue sur les pectoraux à David. Et on va aller immédiatement écouter Fake Empire de mon album préféré de The National, qui est Boxer. Alors écoutez ça, c'est de toute beauté. Avec Justine Procrastine et Justine Baragouin. Stay out super late tonight, picking apples, making pies, put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet and dance. Bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Figure out everything at once. It's hard to keep track of you falling through the sky. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Ma personne, tu compris? C'est clair. Hey, I didn't want to be anyone's ghost. Lâchez-le. Ben, c'est ça. Hein? C'était Anyone's Ghost de The National, de leur album sorti en 2010, High Violet. Et avant ça, on entendait Fake Empire de mon album préféré de The National, Boxer. Mais avant ça, là, sérieux, là, on est peut-être un peu pressé, mais je veux vraiment. Prends ton temps. Prendre le temps, justement. Donne-moi du temps. Donne-moi ton temps. Exprime-toi comme faux. Je vais prendre. Y a-tu une poignée après ton temps? Bon, prends. Non, je prends mon temps. Prends. J'ai pris le temps et là, je prends le temps. J'ai une tasse de temps. Ah, une tasse de temps. Ah. C'est bon. Excellent. Je mets du papier collant dessus. Ils me disent que j'ai deux minutes, je suis bonne. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas parce qu'on a tout le temps du monde que tu peux faire des niaiseries. Il met du papier collant sur la tasse de temps. Waouh! Que ça tienne. C'est rendu loin, là. pour que le temps reste là et scotché. Strap the time down. Ouais. C'est pour que t'ailles le temps. Écoute, ça va la peine. On s'expliquera en deux pendant une pause. Qu'est-ce que tu voulais faire par ça? Combien de pauses on va pouvoir prendre pour pouvoir comprendre ça? Je sais pas, y a-t-il une poignée après ta prompte? Commence pas, toi. Commence pas. Mais c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que je voulais prendre le temps de parler de l'activité politique, dans le fond, de The National, qui, malgré que le titre soit un peu futile et bénin. Ben, c'était patriotique, non? Eh oui. Et justement, ça me c'est mieux sonner une cloche en matin quand ils ont dit qu'ils étaient impliqués dans les campagnes électorales de Obama. Ah, cool. Et d'ailleurs, comme fait intéressant, en 2008, lors des premières présidentielles d'Obama, ils ont conçu un T-shirt qu'ils ont vendu pendant ces élections qui avait comme slogan « Mr. November » sous l'image d'Obama. Et « Mr. November » faisait allusion à une chanson sur leur album « Alligator » ainsi que le mois des élections présidentielles aux États-Unis, que c'est tout le temps en novembre. Fait qu'ils l'appelaient « Mr. November » avec une belle petite face de « Mr. Obama » qui est très, très photogénique, je trouve, Obama. Et tout l'argent amassé a été donné à la campagne. Puis durant les élections à mi-terme en 2010, The National ont livré une performance en avant de plus de 25 000 personnes en ouverture à un discours du président Obama au Wisconsin. Ils ont par la suite récidivé en 2012 pour les présidentielles de deuxième mandat en Iowa et Ohio. C'est la poutine au poulet général Tao qui me fait parler. Hey, raciste. Et finalement, The National sont aussi impliqués dans la sensibilisation pour le VIH. Les frères Dessner, c'est-à-dire, je pense que c'est Scott et Brian. Aaron et Bryce Dessner. Bref, les jumeaux, là, ceux qui se ressemblent, qui se sont impliqués et ont organisé la compilation d'un album pour le Red Hot Organization avec des artistes comme Arcade Fire, Grizzly Bear, Beirut, David Byrne de The Talking Heads, Spoon, Feast. Dépendamment de comment vous le prononcez. Et bien sûr, The National. Puis, ça a donné plein de cash contre le VIH et on veut contrer cette maladie vraiment très triste et dévastatrice. Ouais. Ben oui, mais c'est une belle combinaison. Faut que j'arrête. Oui. Ah, ça, c'est le fait de combiner des poutines avec des mets, là. Ça me fait combiner des mots. Des mets, où est donc Carnia? Mais où est donc Carnia? Ah, moi, je l'aimais, moi, Carmen San Diego. Rapport! À chaque fois que j'entendais, là, Mais où est donc Carnia San Diego? Ouais. Ouais. Mais où est donc Carnia San Diego? Non, ça, c'est Mbop de Hanson. On mélange les chansons. Oh, pauvre fille. Mais moi, j'ai fini avec mon groupe The National. Mais sérieusement, là, si vous aimez la musique qui est accessible, mais qui est quand même indie, puis qui passe très bien là, quand vous buvez une bière sur votre galerie pas finie. Sur le bord d'une plage, mettons, c'est parfait. Aussi, avec du sable dans les fesses. Oui. C'est important, le sable dans les fesses. C'est important, on s'en met, même sans, quand on n'a pas, on en met. Ouais. Dans la crème solaire. Hey, tu sais pas d'un peu de sable dans ta crème solaire, puis tu t'en mets. Là. Ça fait un exfoliant. Hey! Tellement! Moi, là, on s'ouvre un Lise Boîtier, mais au nom de, genre, Justine Paradis incorporée avec des petits brillants. Oh. Des glitters partout. Des glitters. Renaud Paradis. J'ai compris des gladiateurs partout. Aussi, des glitters puis des gladiateurs en chest. C'est vraiment plus drôle. Ils sont partis pour la soirée, les filles. Fait que c'est ça, Justine Progressine. C'était ça cette semaine. Merci, Justine. J'espère que la semaine prochaine, je vais être en moins mode perruche dans ma tête. C'est les roulettes perruches. Les roulettes perruches, c'est ça? Oh, les roulettes perruches. Je magasine encore un titre pour l'épisode. Là, tantôt, j'avais mal propriétaire. Mal propriétaire. Moi, j'ai trouvé bien drôle. Ouais, j'ai vu ça. Donc, merci, Justine, à la semaine prochaine. Bon, je pense que je l'ai perdu si elle chante sa chanson thème, c'est parce qu'elle doit trouver mes jokes. Hein? Non. Okay. Fait que je conseille de prendre une petite pause en cette fin d'heure. Elle a-tu une poignée à ta peau? Sorry! Tout à l'heure, on aura Véronique Mire et ses chroniques de Z à A. On est rendu à la lettre W. On a aussi les paroles des autres. Winnebago, oui. Et Watatata. Wapti. Wapti. Saint-Wenceslaus. Non, mais ça marche pas, ça commence par S. Ben, Wenceslaus devait être la personne qui était nommée en hommage de... Ben, où la ville était nommée en... En tout cas, on lui demandera tantôt Véronique Mire, mais pour l'instant, on prend une petite pause, là. retour sur la troisième heure d'Assemblage Requis à la plage pour la semaine du 27 mai 2013. Elle est Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Blanc. Et Jean-Philippe Chabot est en congé pour le reste de l'émission. Il est parti se baigner, lui, là. Ouais, son petit speedo. Ça est rentré dans la craque de fesses quand il est parti, ça a de l'air. Moi, j'ai pas vu ça. C'est fait très bien. Son petit speedo dans la craque de fesses? Très bien. Je l'envie. T'as sa craque de fesses ou son speedo? Juste la craque de fesses. Si je peux avoir juste une chose, lui. Juste sa craque de fesses. Ouais, mais tu sais, quand tu y penses, une craque de fesses, c'est assez une partie de vide. Parce que ça... Partie de vide? Oui. Ben, mais la craque, c'est un vide. C'est le trou noir. Ben, en fait, c'est un moment où le développement dans l'embryologie, un moment donné, t'as comme juste comme un plein. Tes fesses, là, ils n'ont jamais été comme séparées. Là. Je veux dire, ils sont séparés à un certain moment dans ton développement. Puis c'est par la mort des cellules, un peu comme entre nos doigts. Sinon, on aurait des palmes. Ouais. On aurait pu avoir un cul palmé. Mais il y en a qui ont des palmes... De cul? Entre les doigts ou les pieds, c'est une question de... Ben, d'apoptose. Hey, de la mort des cellules. Ça veut dire que quelqu'un, qui ça peut arriver de naître avec genre les pieds palmés. Oui. Ça veut dire que tu peux naître genre avec une fesse? Ben, moi, je penserais pas que ce soit une mutation qui est fréquente. Non, mais je veux dire. Si ça arrive, faut qu'il tue l'enfant dès le départ. Non, mais j'imagine faut que tu le répares quand ça arrive, que t'as juste une fesse. Tu fais de l'excavation. Ben oui, moi, je vois juste le docteur avec un scalpel. Bon. On appelle ça de l'excavation, excuse-moi. Excavation. Oh! Non, c'est bon. Ça, c'est un problème ou c'est plutôt un retard vu que tu dis que c'est la mort des cellules? Non, je pense pas que c'est un retard. Je pense plus que c'est vraiment un problème. Ah, OK. Parce que ce genre de mort de cellules-là pour faire place au vrai trait physiologique, ça se produit relativement tôt. Ah, et ça devrait persister même s'il y a que l'enfant naît prématuré. C'est ça, hein? Cours d'embryologie 101. C'est très bien, c'est pour ça que tu gagnes des prix. Il y a des cellules qui savent que leur destin, c'est de mourir. Mais quand il y a une mutation, d'elle fois, ils ne savent plus. Hein? Je ne suis pas censé mourir, puis ils vont rester là, puis tu vas avoir les doigts palmés. Ah, c'est vraiment intéressant. Well, let's not have that. Non, ben c'est ça, mais en même temps... Parce qu'on sait qu'ils font de la magie noire, hein, les enfants avec des... Non, j'allais dire, on a une grande partie de public sûrement qui est remplie de mains et de pieds palmés. Il ne faut pas se mettre ça à dos. Non, on a juste un public un peu différent. The freak, un peu. Ben, la plupart de nos auditeurs, c'était des palmiers. C'est vrai? Oui. Non, mais c'est vrai. Les... Ah, ben oui. Des palmiers. Autres, c'est quelque part dans le développement, là, ils ont dit, ah, moi, je veux devenir un végétaux, je veux devenir un palmier. Palmier. Mais non, à Assemblage Requis, ce sont des requins. Et les requins nous envoient des demandes spéciales à toutes les semaines, vous le savez. Et c'est souvent des demandes spéciales qui ont rapport avec... Des nageoires. Non, pas vraiment. Avec des chansons qu'on utilise dans les Palmiers à Sifou et Assemblage Requis. Donc, tu sais, dans l'univers radiophonique de Radio Mathieu Plante, comme on pourrait l'appeler, il y a des chroniques par vingtaine. Il y a des chansons thèmes. Il y a des chansons utilisées dans des pubs. Par vingtaine. Donc, tout ça est disponible. Et c'est ça qu'on met dans une chronique qu'on appelle les paroles des autres. Voici la chanson thème de l'émission, Les Palmarès, c'est fou. Yeah! Bye. C'était la chanson thème de l'émission Les Parleurs Assez Fous, diffusée en temps normal à l'automne et à l'hiver ici Assez Fous, et qui se combine avec Assemblage Requis. Pour... Puis d'habitude, on joue la toune plus vite que ça, hein? Ben c'est ça, les gens se posent la question, c'est quoi, t'as ralenti la chanson pour la jouer? Non, je l'ai accélérée pour faire la chanson des palmarès parce qu'elle était beaucoup trop lente à mon avis. Mais écoute, t'as bien fait. Je l'ai accéléré de différentes façons à travers les années. La première année où je l'ai utilisé, j'utilisais la version originale, évidemment. Après ça, quand je la trouvais trop lente, je l'ai montée et je l'ai beaucoup trop montée. J'ai pas l'extrait avec moi, là, mais ça jouait beaucoup, beaucoup trop vite. Ah. Donc, avec le temps, récemment, je l'ai redescendu juste un petit peu à, je pense, 30 ou 35% plus rapide que la vraie vitesse. Écoute, je te dirais que là, c'est la seule que je connais vraiment, mais je la trouve parfaite. Oui, ben moi aussi. C'est comme ça qu'elle va rester dorénavant. Et j'ai essayé souvent de changer cette chanson-là pour une autre du même groupe. En passant, disons les vraies informations, là, c'est la chanson Boom Booty du groupe Artist of the Year. Et oui, Boom Booty, comme booty des fesses. Et c'est ça qu'ils disent dans les paroles. Les gens boom disent, ça savent pas c'est quoi les paroles. Oh yeah, non, c'est Boom Booty. Donc c'est ça, le groupe s'appelle Artist of the Year, groupe montréalais. Ils ont plusieurs albums, je crois qu'on est rendu à 4. ça, c'est sur leur premier album complet, sorti en juillet 2005, Cut Disco. Et ils ont fait aussi, il y a eu le gala avant ça, il y a eu Wreck la discothèque. Le plus récent, comment il s'appelle, je m'en rappelle pas. Je sais pas, mais il y a une banane dessus et j'adore la pochette. Ben, c'est exact. Ben, tu sais, même que si je vais sur le Bandcamp, je vais pouvoir vous dire l'ordre des... C'est le plus récent s'appelle Up Yours. Avant ça, il y avait eu Velours Brigade. Donc c'est ça, c'est leur quatrième album en tant que tel. Il y a eu aussi un album additionnel qui s'appelle Glauque, qui est les chansons qu'on utilisait vers la fin, parce que les fonds des Palmarès et Fous sont aussi toutes des chansons d'Artist of the Year. Bien sûr. Et vers la fin de l'émission, quand on est plus relax, les chansons sont de l'album Glauque, sont beaucoup plus dark, les chansons. Donc bref, si vous allez sur leur Bandcamp, qui est linké en lien sur assemblagerequis.com, vous allez tout reconnaître, parce qu'on utilise presque tout ce qu'ils font, sauf leurs sketchs et les chansons qui chantent trop dessus. Donc voilà, c'est Artist of the Year et c'est la chanson thème des Palmarès Assez Fous. Allez vous écouter ça sur assemblagerequis.com. Et évidemment, on fait ça à chaque semaine, la chronique Les Paroles des Autres, où on crie les intros des autres gens de l'émission. Yay! Yay! La semaine prochaine, c'est l'intro de ta chronique Les Petits Bonheurs, je pense. Ah ouais? On fait ça? Ah, c'est cool. Parfait. Et on aura David Ferron aussi qui, je pense, veut qu'on entende sa chanson de La Langue dans ton oreille. Ben, c'est les Rita Mitsuko, mais il paraît que Justine aime bien les Rita Mitsuko. Je les aime, les Rita. Mais juste les Rita ou en général ou ces Rita-là? Ah. Écoute, je dois t'avouer que je connais pas bien gros des Rita. OK. Bon, on l'écoutera si tu le mérites. Hein? David, si tu le mérites. Si tu la mérites. Mérites. Ah, il y a Rita Lafontaine? Oui, c'est vrai. Oh, je l'aime, elle. Ben, merveilleuse. Sphérique. Et bon. Quoi? Sphérique. Sphérique. C'est une super parfaite. C'est comme Bobo, c'est ça? Sphérique. OK. Je veux pas être associé à ça, moi. Voyons, non. Je veux pas. Trop tard. On l'aime, Rita. Même chose pour Véronique Mire, qui veut pas être associée à nos niaiseries, j'en suis certain, mais qui en même temps, elle aussi, elle peut en dire des niaiseries. Hey, tabarouette, hein? Regarde-moi bien arriver. Bon, la vlog qui arrive, toi, on va retourner sur le bord de la plage un peu, là, quand même. Un petit peu de musique, genre full surf, là, ça te tend dessus? Ça te tend, là? Oh oui. Alors, c'est la chronique ZA. Et oui! Avec Véronique Mire, et aujourd'hui, c'est la lettre W. W! C'est, on a fait Z, on a fait X et Y ensemble, Et là, on avance à W. Et la raison qu'on prend pas deux lettres à la fois sera expliquée d'ici la fin de la chronique. Okay? Oui, et voilà. On garde ça en suspense. Cool. Donc, W, je te laisse y aller avec le premier mot qui te sort de la tête. Ouatatata, j'imagine, hein, c'est ça? Ben non, en fait... Non, tu qu'on commence tout de suite, tu voulais qu'on aille en musique avant, c'est ça? Ben oui, on était supposé faire ça, hein? Ben raison. Mm-hmm. C'est moi qui est dans le champ, on est à la plage. C'est pas grave. On est relax. Il n'y a pas de champ à la plage, hein? Sors du champ. Ouais. Non, mais voir qu'il faut suivre les règles sur le bord d'une plage. À part ne pas se baigner parce qu'il y a des requins. Ne pas se baigner avec des requins? Ben non, mais je pensais que c'était juste comme pas se baigner comme trop tôt après avoir mangé. Il y a ça. Faut pas courir autour de la piscine. Ben non, mais c'est pas une piscine, c'est une plage. Voyons, non, mais il y a une piscine à côté, non? On est dans un tout inclus. Il y en a des momounes là, qui se baignent dans la piscine. Non, mais il y a droit de boire dedans. Des momounes. Ben oui, mais ben ceux qui veulent de l'alcool, parce qu'il n'y a pas de bar dedans l'océan. Ça, non? Ils sont repartis pour la soirée, tu sais. Il n'y a pas de bar dans l'océan? Ben moi je veux le bar. Il y a le poisson, le bar. Mais je ne sais pas d'où il vient exactement. Est-ce que c'est un poisson d'océan ou... De toute façon, ici, c'est un tout inclus. C'est un resort, donc tout est inclus, dont le bar. OK? OK. Et aussi un parc où je vois quelqu'un qu'on va nommer David en train de se toucher dans le parc. Voici les trois accords, je me touche dans le parc. Non, mais il est pas obligé de mimer, là. Ah, il est pas. Non, il est caché par l'écran, je le vois pas. Tasse l'écran. Mais t'as envie. Quand je suis sorti de l'hôpital, je suis sorti en chantant la rue sans tel et pétale. Nous avions l'avenir devant, il y avait un fumet de liberté dans nos nez. Je me trouvais au sommet de la chaîne de gaieté. Les gens font toutes sortes de remarques avant que les policiers débarquent. Quand je me touche dans le parc, les gens font toutes sortes de remarques avant que les policiers débarquent. Quand je verrai enfin l'ambulance se stationner dans la rue, je poursuivrai mes avances sur mon propre individu. Et dans la cabine arrière, je penserai à toi si fort, j'aurai le sourire en l'air. Jusqu'à ce que l'on vienne me prendre. Je me touche dans le parc, les gens font toutes sortes de remarques avant que les policiers débarquent. Quand je me touche dans le parc, les gens font toutes sortes de remarques avant que les policiers débarquent. Quand les trois accords, pas oui, les trois accords, mais je me touche dans le parc. J'étais pas sûr si c'était ça, mais c'était bien ça. C'est la position numéro 10, ça monte d'une place. Et on a sauté par-dessus le numéro 11, qui est Boucan de Les Indiens, et par-dessus le numéro 12, La drogue en moi de Rock Forest. Ouais, restez là tantôt, on va voir entre autres Rouge Pompier avec Paul à entendre. Wow. Hey, je les ai invités à mon épluchette de bledingue. Il me dit que si je fournissais le bledingue puis un peu de monde, là, qui faisait des épluchettes. Ça coûte pas cher dans ce temps-là. Hein? Hey, je vais te fournir en bledingue, moi, s'ils viennent. On va avoir une petite barboteuse. On va j'aimerais ça qu'Anne Dorval vienne. Anne Dorval. Ah, peux-tu venir, elle? Avec Rita Lafontaine? Oui. Kevin Bacon. Oui. Ah, tous les noms utilisés par eux. Ouais, ça c'est pour ton Eat Something Phallic 2013, ton exactement. Festival de la chose phallique. Oui. C'est Mathieu qui a trouvé le nom, là. Je m'excuse. C'est des hot dogs puis des. Des bledings. Des bledings. Ben, tu vois, c'est correct. Il mange juste ses cocombes. Elle est cocombe. Ah, mais les cocombes! Ah, c'est vraiment hot. Oui. Yeah, oui, des cocombes, je les couperais pas. Il va falloir le gruger à main. Oui. Ben, moi, c'est ça, j'ai fait un matin. En fait, j'avais un cocombe entier, puis je l'ai pas mal grugé, là. C'est tout. Puis une courge spaghetti. Des popsicles. Pour ceux qui ont une difformité. Wow! Okay. Puis comme de ça, c'est des crèmes glacées avec des cônes. Il est pointu, tiens, c'est ça? Oui. Wow. Exactement. Fait que ça me ramène exactement la même blague que tantôt. Tu peux pas t'associer à ça. C'est ça drôle, là. Donc, Véronique Mire, qui vient de réarriver, parce qu'on l'avait introduit tantôt, là, était là pour ta chronique de Z à A. Eh oui. Tout l'été, on présente une lettre, on focus, on se concentre à sortir tous les mots qui commencent par la lettre W. Donc, on commence par W A, j'imagine. Non, non, non. Ben, pas nécessairement W A. En fait, moi, vraiment, là, je regarde pas mal tout. Qu'est-ce qui se fait avec W? Là, ton dictionnaire, pour l'instant, c'est facile. Énormément de recherches pour l'instant. Exactement. Puis, je vais sur Google, puis vraiment, je regarde tout ce qui me sort avec le W, ben, en tout cas avec la lettre en question. Puis, je demande à des gens aussi de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Puis, souvent, ben, il y a des ajouts. Comme on peut le constater sur mes feuilles. Tu as 45 pages de texte. Une couple de trucs. Puis là, c'est facile, hein, parce qu'on en est encore à W. V, ça va être popé. U aussi. C'est même des voyelles, les vraies voyelles, les premières. Oui, là, ça va être quelque chose. Donc, à suivre. Ouais. Alors, pour commencer aujourd'hui, donc, je vous ai donné tantôt un petit Worder original. Ah, c'était pour ça. C'était bon. Les petits bonbons, hein, donc W. Caramel et crème fraîche. Oui. C'est de ça que c'est fait. Et ça a été créé en 1903, ces bonbons-là. C'est récent. Comment? Ouais. C'est récent. En Allemagne, dans la ville de Werder, bien sûr. Warfort. Pardon. Voilà. Pardon. Varda. Et puis, toujours... Tu mettras Varda. Varda. Varda. C'est quoi son nom de famille? Étienne. Ah, c'est ça. OK. Donc, puis toujours dans les bonbons, hein, on a le Willy Wonka. Oui. Oui! Vous connaissez les Willy Wonka, les Nerds, les Runts, les bonbons là, en forme de banane. Justement. Ça a un nom, ça. Hein? Oui, les Runts. Ça va, des bananes. Il y a des bananes, il y a des fraises, il y a toutes sortes de bonbons en forme de fruits. Vous avez les Laffy Taffy, les Gobstoppers qui changent de couleur. Oh, ça, c'était mes préférés, ça. Oui, hein, c'était bon, ça. Ça fait longtemps, on dirait qu'on a tout arrêté de manger ça, des affaires le fun comme ça. On devrait pas arrêter ça, non? Non, oui. Ça, là, c'est comme la révolution de la boule noire, hein, les Gobstoppers. Parce que vous savez, la boule noire, les vieux bonbons, hein, la boule noire. Je sais pas, moi, tu me parles de la boule noire, tout ce que je vois, c'est pas l'eau, le lingo. Ah, pas le changement de la boule noire, mais le lingo. L'infâme boule noire. Exactement. Non, mais la boule noire, elle changeait de couleur, mais pas de saveur. Puis les Gobstoppers, eux, changent aussi de saveur. Non, je savais pas ça. Puis quand on était jeunes, hein, notre fun, c'était de dire « Ah, ça goûte la fraise! » Puis on le sortait. « Ah oui, c'est rouge! » Puis on le remettait. « Ah, ça goûte l'orange! » Puis « Ah oui, hey, c'est rouge! » Pendant ce temps-là, l'enfant daltonien se sentait super bijac parce qu'il comprend pas. Mais là! Je salue mon prof de chimie. Boy! Donc, Willy Wonka... Il s'appelle Jimmy. Jimmy, le prof de chimie. Non, non, non, les rêves, Mathieu. J'espère. De Willy Wonka Candy Company, hein, qui vient de 1900, qui a été créé officiellement en 1971. La poule ou l'œuf, hein, Willy Wonka. Oui. Donc, Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie. Donc, ça vient de là, hein, l'origine du nom de la compagnie, parce qu'à la base, ça s'appelait la Breaker Confections. Puis c'était à Chicago. Puis après la sortie de Charlie et la chocolaterie avec Willy Wonka, ben là, ils ont décidé de réappeler ça Willy Wonka. Puis ça leur a permis de faire plein de folies. Hein, ah, ben oui. Parce que ces bonbons-là, puis vous porterez attention sur toutes les boîtes de bonbons. Il y a tout le temps des trucs comiques décrits. Des drôles de slogans, puis tout ça. Donc c'est vraiment fantastique, ces bonbons-là. C'est proche des jeunes. C'est super génial. Ben pas juste des jeunes, je veux dire. Non, mais les jeunes de Caire. Hein? Jeunes de Caire. Oui, voilà. Un peu plus sérieux, Wagner. Moi, je l'aime, lui. Guillaume, hein? Wagner. Guillaume Wagner. Moi, on parle-tu de Guillaume? Non. Je suis super content. Non, non, c'est Wilhelm Richard Wagner, hein, dans les années 1800. Vous le savez, là, c'est qui, Wagner? Oui, oui. C'est Wagner compositeur. Ou Wagner? Excuse-moi. Wagner. OK. Wagner, oui. Compositeur allemand de la période romantique. Puis, qu'est-ce qui est intéressant à savoir de lui, c'est que avant d'être un compositeur, lui, il voulait être un écrivain. Donc, il faisait pas juste sa musique. Il écrivait mal, puis un musicien a trouvé sa feuille. Ça ressemble à des notes de musique, il l'a adapté, puis ça faisait une bonne chanson, c'est finalement, c'est ça. Ouais. Il faisait pas juste la musique, il faisait aussi ses livrets. Donc, lui, c'était surtout un compositeur d'opéra. Hein, donc, il faisait à la fois la musique et les livrets, mais il ne voulait pas être qu'écrivain. parce qu'il voulait que son écriture soit rattachée en relation avec la musique. Fait qu'il faisait les deux. Puis, assez prolifique, hein, il a écrit une centaine de livres, de poèmes, d'articles, etc. Donc, vraiment, là, c'est une partie cachée de Wagner. Il a aussi fait autre chose un peu plus triste. Ben pas triste, mais on le rattache à l'antisémitisme, hein, Wagner, là. Puis, attendez un peu. Là. C'est le Wagner de la guerre. Ben, l'épouse de son fils. Fais attention, parce que Wagner, là, ça existe pour de vrai. Le Wagner, c'est le dixième nerf du crâne, puis ça l'énerve les viscères. C'est tout? Point. Pardon. Fascinant. L'épouse de son fils était une amie d'Adolf Hitler. Donc, mais on va finir sur une belle note. Il a aussi fait des innovations au niveau du théâtre. Donc, il a créé le Festspielhaus de Beyrouth. Okay. En 1876. Puis ça, en fait, c'est un théâtre où l'orchestre est dans une fosse plongée et le public est plongé dans l'obscurité. Ah. Pour vraiment créer une super expérience musicale. Donc, c'est lui qui a créé ça. Puis, cool. Ça existe encore, là, cet endroit-là. Puis, il y a un festival à chaque année qui est là, à Beyrouth. Intéressant. Oui. Je voulais faire une petite boutade à JP, mais il n'est pas là. Mais bon, s'il nous écoute, quand lui... David va jouer son rôle. OK. Ben, vous souvenez-vous, quand on a parlé du Z, on a parlé de la zouanze, qui est une plaisanterie en Belgique. Oui. C'est le nom pour une blague en Belgique. Ben, en Suisse, ils ont aussi un nom pour ça. C'est une witz. Witz. W-I-T-Z. Witz. Et voilà. Okay. Donc, c'est comme les biscuits. Oui, les biscuits. Ceux qui sont pas capables de prononcer les R, ils font les biscuits. Les biscuits. Fais pas de blague d'Africain, c'est raciste. C'est pas une blague d'Africain du tout. Okay. Non. Le wasabi. Wasabi. C'est bon, wasabi. Hein, donc, la traduction littérale de wasabi, c'est la rose trémière des montagnes. Rose trémière de montagne. Je pensais que Stéphanie t'aurait été étonnée, subjuguée par la beauté de ça, là, la traduction. Ah, je m'excuse parce que j'ai lu ça il y a deux semaines dans mon Ricardo. Il y avait un article sur le wasabi. Puis il disait ça. Mais tu t'en rappelais? Ben, sommairement, j'aurais pas pu te le répéter. Ah, ben, il n'y a pas de problème. Non, Ricardo. Oui. Donc, c'est une plante de la famille des brassicacées. Tous les trucs qui ont un goût fort, comme le chou, le navet, la moutarde, le réfort. Wow, le réfort! Ouais. Le chou! Ouais, tu manges pas ça de chou aussi. Le chou. Donc, on appelle aussi le wasabi le réfort japonais ou la moutarde japonaise. Qu'on utilise avec les sushis, bien sûr. Faites attention si vous allez au Japon. Il ne faut pas mélanger le wasabi avec la sauce soya. Comme on fait souvent ici en prenant le top et en le plongeant dans la sauce soya. Oui, parce que c'est vraiment de montrer des piètres manières. Donc, c'est comme de couper son spaghetti. Hey, OK, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi est-ce que couper son spaghetti, là, c'est pas beau? Ça de même. Ça n'a pas de classe. Arrête donc. Faut pas faire ça. C'est quoi, ça met des saucisses après? Utiliser la cuillère. Ne le coupez pas. Si je voulais prendre une cuillère, je mangerais des céréales. Mais en Italie, faut pas faire ça. Ici, on s'en fout. Ah, en Italie, tu vas te faire poignarder la main par une... Mais non, ici, toi aussi, je me fais regarder croche. Genre Mathieu, là. Je peux pas manger des lunes de spaghetti puis me jeter. Il louche, là. Il te regarde pas croche. Non, c'est pas vrai. À la maison, il louche pas. Ben là, j'espère. Je me demandais si j'ai ça un problème, je suis pas au courant. Super consterné, pas au courant. Je me regarde dans le miroir, j'ai l'endroit. Il a vraiment des yeux parfaits. En fait, Mathieu a de très beaux yeux. Ah, merci, toi aussi, hein. Non, mais. Excuse-nous. Tu sais, je parle de ses yeux, mais quand il enlève ses lunettes, moi, j'ai peur de ses yeux. Il n'est pas pareil. Ben, il a des sourcils. On peut continuer sur notre lancée des W. Ben oui, hein, ça serait pas pire. Donc, wasabi, qui a un effet anti-cariogène, qui empêche les caries de se coller sur l'émail des dents. On peut-tu se brosser les dents avec ça? Non, attends. Ça a un effet anti-cancérigène et cancérigène. Donc, faut faire attention. Ils ont vu chez les rats que ça développait, ça freinait l'évolution des tumeurs. Les tumeurs du système digestif, mais que ça stimule la croissance de cellules cancéreuses in vitro. Ah! Fait qu'il faut choisir son cancer. Ouais. J'en prends-tu pas? C'est ça. Voilà. Wasabi. Assez spécial. Bernard Werber, le connaissez-vous? Oui! Écrivain. Je suis allée voir sur son site officiel, juste vous donner quelques informations. Moi, personnellement, j'étais vraiment fan de Bernard Werber jusqu'à tout récemment, parce qu'il a commencé à s'auto-citer dans ses livres. Hein? Là, je trouvais que ça commence à devenir un peu drôle. Il est français, hein? Ben c'est ça souvent. Ben... Est-ce que je peux, ça arrange pas, je fais une parenthèse. Souvent, c'est les... bien parti pour ça. Ben souvent les historiens de France, ben les anciens années 50-60 vont pas faire de référence des autres auteurs, puis vont dire ah ben moi dans mes anciens livres j'ai permis d'avoir développé cette théorie là, et là il va citer leurs anciens ouvrages. Il s'auto-félicite et se trouve très très crédible lui-même. Je sais pas s'il est belge par contre. Je pense qu'il est belge. Je pense pas qu'il est français. Je suis pas certaine. Mais bon, en tout cas, donc sur son site officiel où il y a sa bio, puis c'est lui-même qui l'a écrite. Dans sa bio, puis je voulais juste vous lire la conception parce que je trouvais que c'était assez comique comment il avait écrit ça. Donc, 1961, janvier, conception. Mon père revenait d'un voyage à Andorre, ma mère l'attendait avec impatience. Juillet, souvenir plutôt flou de ma vie juste avant ma naissance. Rien qu'une impression d'une couleur orange foncé et de bruit grave. Ben oui. Sans doute les battements de cœur et le système digestif de ma mère. Ma mère étant pianiste et restant à la maison, j'entends souvent atténuer à cause de la paroi du ventre des gammes et des morceaux de musique classique. Comment? Puis en septembre, bon là, faut y aller, naissance à Toulouse. Toulouse! 3,4 kilos, on l'a drette. Voilà. Donc, assez spécial comme façon d'écrire. Lui, il écrit des polars philosophiques. Hein, donc, ben c'est oui, vraiment c'est le morceau de linge que... regarde au chaud. Beaucoup de choses pour réfléchir dans ses ouvrages. D'abord, ben, il aimait beaucoup le dessin. Quand il a commencé à écrire sa première nouvelle, c'était sur les aventures d'une puce qui découvrait le corps humain en passant dessous le slip, il le précise. Sa deuxième nouvelle, à l'âge de 8 ans, c'était le château magique qui dévorait ses visiteurs. La troisième nouvelle, c'était les enquêtes taupins, bon, moins intéressant. Puis la quatrième, c'est la chasse en brousse par le lion qui finit en carpite. Hein, donc, déjà de 7 ans à 9-10 ans, là, il a écrit des affaires assez spéciales. Donc, c'est lui qui a écrit les fourmis, qui a aussi écrit toute la saga sur les dieux, nous les dieux et tout. Très intéressant quand même. Là, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous dirais que quand on lit tout, le truc, là, à un moment donné, c'est ça, on se tanne parce que là, les citations à ses propres ouvrages, on se tanne. C'est redondant. Voilà. Ouais. Mais quand même, très bon écrivain. Voilà. C'est pathétique, j'en ai plein chez nous, je les ai pas lus. Oups! Il y a ben des livres, là. Je te dirais que le trois quarts de ma bibliothèque, je les ai pas lus. Ah, moi aussi, c'est pareil. Je les accumule trop vite, oui, quand oui. Je manque de temps. Ça va vite, ça va vite. Là. Quand tu relis du Verbeek, c'est du réverbère. Hein? Puis avant de partir en pause, je vais vous parler du whisky. Whisky! C'est pour Steph, ça, l'alcoolique. Mais voyons. Donc, whisky qui s'écrit de deux façons, hein, soit avec un Y à la fin ou avec le E-Y. Puis seulement qu'avec le Y, c'est qui vient d'Écosse et des États-Unis. Et le E-Y, c'est le produit irlandais. Puis ils l'écrivent des deux façons parce qu'il y a une guerre hein, entre l'Écosse et l'Irlande, à savoir c'est qui a inventé le whisky en premier. Oh. Puis d'ailleurs, les Écossais, parce que les Irlandais, eux, font une triple distillation du whisky. Puis les Écossais là, ont une boutade pour eux. Là. Ils disent, bon, si les Irlandais pratiquent la triple distillation, c'est parce que les deux premières sont ratées. C'est réussi. Voilà. C'est bien. Donc, l'élaboration du whisky, ça doit être au moins 3 ans. C'est dans des fûts de chêne. Mais ça, c'est un peu le bas de gamme, là, si on veut. Donc, celui qui coûte le moins cher. Sinon, c'est 8 à 12 ans de vieillissement. Puis même, les hauts de gamme, c'est 50 ans. Donc, c'est très vieux. C'est ce qu'on dit du whisky business comme risky business. Mais Tous les jeux de mots avec les Africains. C'est vrai qu'ils sont tous pareils, mes jeux de mots, aujourd'hui. Je voulais pas. À quoi on doit la coloration du whisky brune, à votre avis? Le malt. Non, je sais pas. Je connais pas ça. Le malt. Non? Des idées? L'oxydation? Non, ça l'oxyde-tu? Non. Non, ça l'oxyde pas. Pas la mélasse non plus, ça serait que non. Non, on n'est pas loin, par exemple? Pas de sirop. Non. Du caramel! Ah oui, bien. Ah, donc, ils mettent du caramel. En fait, c'est du coke qu'ils ont laissé dans des barils de chaise. Flat et chaud. Le caramel, mais ils n'en mettent pas dans tous les whiskies. Là. Les whiskies haut de gamme, il n'y a pas de caramel dedans. Mais c'est le fût, là, hein, donc le baril qui fait la coloration du whisky aussi. Si vous voulez déguster un whisky là, puis lui faire honneur, il ne faut pas mettre de glaçons. Ah, donc c'est pas on the rocks, hein, c'est faudrait pas, si vous voulez bien le goûter, parce que ça crée un choc thermique qui dénature le goût du whisky, puis ça endort les papilles. Oh. Oh, je suis bien d'accord, moi je déclenche ça. Avec une paille. Tu prends un café avant, c'est correct, tiède. Réveille tes papilles. Par contre, vous pouvez mettre un petit peu d'eau, si vous voulez. Là, selon les connaisseurs, ça rehausse le goût du whisky, mais vraiment pas beaucoup. Il ne faut pas faire moitié-moitié. Oui. Quelques gouttes. Puis idéalement, ben pas de l'eau de Saint-Wenceslas ou je sais pas trop, là, qui goûte bizarre. Wenceslas, hein, prendre, W. Oui. Même pas bougé. C'est Mathieu qui a dit ça tantôt. Tantôt, on a fait un petit... On s'est lancé des mots de W, là, puis c'est Saint-Wenceslas, c'est sorti. Ah! C'est la série de Wendover. Voilà. Oui, Wendover. Wendover. Et oui. Donc, un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau, si vous voulez. Un verre en forme de tulipe, c'est préférable. Puis c'est pour savoir aussi la force alcoolique d'un whisky. Hein, donc, on appelle ça son feu. Là. Quand ça brûle au début de la langue, ça veut dire que c'est un whisky qui a moins de 10 ans. Ça, c'est facile à savoir. Là, quand vous le prenez, vous prenez votre gorgée, si ça vous brûle ou vous pique tout ça sur le bout de la langue, ça veut dire qu'il y a moins de 10 ans. Comme une batterie. Puis plus que c'est dans le fond de la gorge. Hein? Une batterie quand c'était. OK. Prends le choc. Plus que ça brûle dans le fond de la gorge, plus que là, il a été vieilli longtemps. Donc, voilà pour le whisky, ce qui me permet de faire une petite transition musicale. Donc, j'ai choisi aujourd'hui une pièce de Dropkick Murphy de l'album The Warrior Code. Warriors Code, en fait. Donc, W toujours. Puis, c'est un groupe punk de style irlandais, hein? Bien sûr. Yay! De Boston. Donc, voilà. On est parti. La chanson I'm Shipping Up to Boston. Cet assemblage requis à la plage. Plus de W juste après. J'allais mis une minute de la crème sœur, je commence à crémer. Gâche l'ambiance que je voulais créer avec ma voix. C'est bon. Oh well. Oh well. Well. Donc, me revoici, Véronique Mir, chronique de ZA. C'est la lettre W aujourd'hui. La lettre W, donc pop culture, hein, c'est mes choix, mais j'essaie de choisir des choses généralement que les gens ne connaissent pas. À part maudit Ricardo qui m'a devancé avec le wasabi. Ça, c'était totalement inattendu. C'est pas de ta faute. Non. Mais parce que c'est sûr qu'il y aurait beaucoup, beaucoup d'autres choses. Je vais vous en parler d'autres, là, mais vous allez voir, sûrement que vous allez vous dire, pourquoi on n'a pas parlé de ça? Ben, c'est trop facile, bon. Mais, des fois, on fait de la recherche, puis finalement, c'est pas super intéressant. C'est plate, hein? Ouais. Donc, je vais essayer de choisir des choses que je trouve quand même intéressantes. Tu fais whatever. Voilà. W. Voilà. On est drôle. Donc, je continue. Oh, excusez, ça pique. Continue. Avant, embrasse un fou. C'est ça que ça fait, c'est l'effet du wasabi. Hey, Tauce. Wikipédia. Ouais. Mm-hmm. Wiki, wiki. Wiki. Vous allez voir direct sur le site de Wikipédia, hein, parce que je savais, dans mes cours, moi, comme vous savez, je donne des cours pour réussir ses études. Puis, on met les étudiants en garde contre Wikipédia, hein, parce que... C'est pas fiable, nécessairement. C'est de la communauté. Ce n'est pas fiable. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, ils ne garantissent pas son contenu mis en ligne, mais je suis allée voir direct qu'est-ce qu'ils écrivent eux autres pour vous donner la bonne information. Donc, comme on le sait, tout le monde, ben, c'est une encyclopédie qui est collaborative. Oui. Donc, n'importe qui peut aller là-dessus écrire. N'importe quel marron peut aller là-dessus écrire qu'un éléphant a 5 pattes. Oui, même un enfant qui fait une recherche sur les dauphins peut aller écrire qu'est-ce qu'il veut là-dessus. Ça mange de la poutine générale d'eau. Ouais, c'est ça. On pourrait faire un article sur nous-mêmes, sur C'est fou. Mais ça se fait rapidement enlever. J'ai fait un article sur C'est fou il y a vraiment super longtemps de ça, sur Wikipédia. J'ai modifié un article sur C'est fou qui existait déjà. Okay. J'ai acheté notre matériel promotionnel, c'est-à-dire notre texte, notre mission, ouais. Qui on s'adresse. Ils l'ont enlevé en ben une voyons. Journée. Parce que c'est du copier-coller d'un site web. Il faut que ce soit du contenu, il faut que ce soit de la... Original. Okay, c'est ça. Okay. Mais citer les sources aussi. Okay. Mais tu peux pas juste pitcher du contenu dedans. C'est vrai. Mais ils l'écrivent maintenant, par contre, quand les sources sont pas là, ils l'écrivent, bon, ouais. Source nécessaire, mais le supprime pas. C'est ça. Donc, ben, ça veut pas dire qu'il y a pas des experts qui vont écrire là-dessus, hein, mais il faut quand même faire très attention parce qu'il y a beaucoup de saboteurs. Sur Wikipédia. Le contenu peut avoir été modifié, vandalisé ou altéré. Vas-y, Justine, vas-y. Ça se retient tellement. Non, mais là, ça se dit plus, là. C'est au moment que t'as dit saboteur. Un saboteur, c'est évidemment un cheval avec des sabots. OK. C'est un coup de cul là-dessus. C'est vraiment poche. Non, mais continue, faut pas. J'arrête plus. Donc, mise en garde qu'ils font eux-mêmes. Soyez conscients que les informations que vous pouvez trouver dans Wikipédia sont peut-être inexactes. Trompeuse, dangereuse ou illégale. Okay. Mais aussi, ça peut être... il peut avoir un biais, par exemple. Dans nos cours d'histoire, on disait « Faites attention parce que, par exemple, on fait l'histoire de Louis XIV. Si quelqu'un aime pas la monarchie, ben, il peut écrire de ben quoi. » Ben oui, c'est sûr. C'est teinté de ton opinion, finalement. Ouais. Puis, il y a aussi qu'il n'y a pas de relecture formelle par des pairs. Donc ça, vous savez ce que ça veut dire. Il n'y a pas de comité de lecture. N'importe qui peut corriger ou modifier, c'est sûr. Il y a des gens qui passent leur journée à éditer des articles là-dessus, qui vont vérifier ce que les autres font. Oui. C'est des bénévoles, par contre. C'est bénévole. Ils ne sont pas nécessairement au courant. C'est sûr, oui. Puis, même des articles qui ont été contrôlés peuvent après encore être modifiés. Ce que j'ai trouvé comique, c'est qu'ils disent bien qu'ils ne donnent pas d'avis professionnel. Donc, si vous avez besoin de conseils spécifiques, puis un médecin, d'un avocat ou d'un comptable, ben il faut contacter ces personnes-là et non Wikipédia. C'est ça. Donc, ce que je trouve le fun du fait que Wikipédia change tout le temps, c'est que des fois, tu sais, l'été, j'ai rien à foutre. Je vais sur Wikipédia voir les affaires, puis je retourne l'année suivante, je lis la même page, mais je m'en rends pas compte. Ça a changé. Ça a changé du tout. Ben oui, c'est la même page. Oui. C'est le fun, c'est ça un change renouveau. Tellement vite, mais des fois, ils sont pas à jour. Ça, c'est quand même assez étonné. Hein? Ça dépend des sujets, on dirait. Il y a des sujets qui vont être à jour dans la minute près. Genre les décès. Oui, les décès, des affaires politiques, souvent. Il y a bon. Quand même. Puis moi, je dis à mes étudiants, ben c'est bon, si vous voulez... Mon Dieu, ça a failli pas être beau, ça, la radio. Ça a failli, hein? Donc, là, je pense qu'elle voulait. Donc, vous pouvez y aller pour vous faire une tête. Moi, c'est souvent ça que je fais. C'est sûr, il y a beaucoup de choses que je cherche qui sont là-dessus, mais je vais toujours valider. Souvent, il y a les sites officiels, hein, des choses que je cherche. Ben là, le wasabi, il n'y a pas de site officiel, là. Wasabi.com. Quand même. Alors, on pourrait inventer ça. Mais ça peut être bon aussi pour aller chercher, par exemple, ben le logo de C'est fou ou un tableau d'évolution de quelque chose. Donc, quand même. Puis, ils ont des projets frères. Ça, c'est intéressant à savoir, comme le Wiktionnaire, qui est un dictionnaire universel, les Wikinews, Actualité libre, les Wikibooks, donc les livres et textes didactiques. Vous avez Wikiversité, Communauté pédagogique libre. Moi, je vais vraiment aller voir ça, ça m'intéresse. Wikivoyage. Je sais pas ça. Wikiquote, félicitations, c'est ça? Wikiquote, oui. Wikispecies. Ah. Peut-être. Ouais, c'est plus Wikiprotéines, en fait, mais... Wikiprotéines? Oui, je vous jure, il y a les protéines sur Wikipédia. Oh, wow, OK. Ils l'ont même pas mis dans leur, dans leur projet frère. C'est tellement trop spécialisé. Pas assez grand public. Bon, écoute-donc. Donc, voilà pour Wikipédia. Ah. Westphalia! Westphalia! Yeah! Mais qu'est-ce que c'est beau, ça, hein? Quand on voit ça? Ben oui, c'est un gros, une grosse van, là. Okay. Volkswagen. Ça ressemble à Grippin. Volkswagen, ouais. Non? Mais quand je vais te dire le plus populaire, là, tu vas te dire, ben oui, dans Scooby-Doo, la Mystery Machine. Ah oui, voilà. C'est vrai, oui. Mais oui, ben oui, une espèce de gros camion de violeurs d'enfants. Oui, oui. Ouais, non, c'est une espèce de camion de hippie, ouais. Pas de violeurs d'enfants. De violeurs d'enfants, c'est une Econoline. OK, excuse-moi. Oh, tellement! Il y en a une qui parle d'expérience. Ça, c'est okay. Super bon. Une Econoline, c'est ça. Approche pas ça, camion de violeurs d'enfants, non, voilà. Hey, parenthèse, avez-vous vu ça, l'article qui est sorti sur le gars qui voulait faire un projet de fin d'études de kidnappage d'enfants? Hein? Aujourd'hui même, il parlait de ça à radio ce midi. C'est épouvantable. Il y a d'autres radios? Non, c'est pas ici, mais lui, son projet de fin d'études, c'est de kidnapper des enfants, les mettre dans des sacs de patates, les suspendre au plafond, puis leur frapper dessus avec des barres en métal. Qu'est-ce que t'as contre ça? Débile, vraiment. Puis il a fait des projets de plus en plus pires pendant ses études. Puis là, ben ils l'ont dénoncé. Ben il voulait juste exaucer ses fantasmes, mais finalement, c'est pas ça. Mais il l'a-tu fait pour de vrai? Non, il l'a pas fait, là, okay. Parce que là, il a été arrêté. Puis, il écrivait des affaires comme ça, là, genre méthodologie. ben oui. Donc, selon X et X, de parenthèse avec l'année, non. Mais il voulait découvrir quoi? Ben non, c'était juste l'endurance des eaux. En fait, c'est un étudiant en art visuel. OK, il voulait faire des espèces de peintures. C'est pas trop, mais en tout cas, c'est pas très beau. David? Donc, ouais, c'est pas bien, ouais. Tu disais? Non, c'est dans le fond, le gars, il avait dessus, il a pas expliqué le. Dans le fond, le pourquoi, c'est juste. Ah, c'est bien bizarre. Ouais, exact. C'est juste réagir ben puis de vomir ma réaction. On pourrait dire, c'est donc, ben, whack. C'est whack! Ouais, franchement, là, vraiment. Donc, Westphalia, Scooby-Doo. Anna Barbara, dont on a parlé la semaine passée, donc qui a créé Yogi Lours, entre autres. On a couvert le Y avec. On l'a fait Yogi Lours, hein? Oui, on a fait Yogi Lours. Puis en parlant de dessin animé, ben Walt Disney. Ben oui! Ah, c'est super merveilleux. Puis es-tu gelé? Non! Je sais pas! Es-tu cryo? C'est bien vrai! J'ai pas fait de recherche là-dessus. Maudit, j'aurais dû. Mais c'est intéressant. Regardez ça en tête. Je te reviens là-dessus la semaine prochaine. OK. Donc, Walt Disney, de son nom complet, Walter Elias Disney. Des liasses d'argent, ça a du sens pour lui, je trouve. qui est né en 1901 et décédé en 1966 à 65 ans. Donc, quand même, c'est pas très vieux. Très jeune, il faisait des dessins dans la marge de ses cahiers de notes à l'école. Puis il dit, comme tous les enfants. Par contre, lui, qu'est-ce qu'il faisait de pas comme tous les enfants? C'est qu'il prenait de la poêle, donc le truc noir, puis il dessinait sur les murs de la ferme chez eux. Donc, il faisait des plus grands dessins encore. On dit que Mickey Mouse, ce serait son alter ego. Hein, c'est une interprétation romantique là, de Mickey Mouse. Ce serait son alter ego. C'est quoi le premier long métrage de Walt Disney, vous pensez? C'était long métrage. C'était Mickey Mouse? Non, c'est pas un court métrage, ça, je pense. Mais c'était des petits, oui. Ouais. OK, ouais, Mickey Mouse en noir et blanc. Les Silly Symphonies, ouais. C'était pas Mickey Dreamboat, quelque chose dans le. C'était pas des Mickey. Non, attends un peu. Long métrage de. Je sais pas. J'ai aucune idée. Non? Non. Donc, et les sept. Blanche-Neige! Blanche-Neige! Blanche-Neige, c'était son premier. Ah, non, long métrage. Oui, c'est ça la pogne. Mais pourquoi? C'est le premier long métrage. Ouais. Ben, c'est ça, parce que les Mickey Dreamboat, c'était des courts-métrages. Exact. Ouais, ben, je l'avais dit. Ouais, c'est ça qu'on avait compris, genre, il y a à peu près 5 minutes. Non, ça n'est pas grave. Donc, pourquoi Blanche-Neige, hein, en fait, c'est que quand il était vendeur de journaux, il a vu le film muet de Blanche-Neige, puis ça l'a vraiment impressionné. Là, il serait tourné le voir une centaine de fois. Aussi, qu'est-ce qu'il aimait de Blanche-Neige, c'est qu'il n'était pas attaché à aucun pays, aucune époque. L'histoire était connue et aimée du monde entier, hein, le conte. Les sept nains, personnage extraordinaire pour faire des petits bonhommes animés. Ils pouvaient faire n'importe quoi avec eux. Le bois aussi qui lui permettait de mettre tous ses animaux. Vous savez que Walt Disney, c'est beaucoup les animaux, tous les beaux vieux. Non, les animaux, ils chantent pas, mais c'est plus enchanté. C'est ça, c'est les taillards qui chantent dans, dans La Belle et la Bête. Ouais, c'est ça. Il était mort depuis un bout. Quand La Belle et la Bête a été faite. Wow, tu me l'as dit. Par après. Donc, Blanche-Neige, c'est son premier long métrage. Voilà. Il a aussi fait une contribution à l'effort de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été gentil, le volontaire. Donc, c'est un gars de la marine, Bert Stanley, qui a pris une chance. C'est un fan de Disney. Il a écrit une lettre pour lui demander s'il pouvait pas faire une insigne pour l'escadron Fighting Seven d'un porte-avions, le USS WASP, WASP pour Guype. Oui, W en fait. Quel adon! Puis Watney a dit, bien sûr, hein? Donc il a mis un de ses dessinateurs sur le projet qui a créé une Guype à l'aspect agressive là, pour faire l'insigne. Puis ça a tombé dans l'oubli. Un an plus tard, il a reçu une autre demande, il a décidé de le faire. Puis là, Times l'a publié que Walt Disney faisait des insignes pour la guerre. Donc, ils en ont fait plus de 1200 pour la Deuxième Guerre mondiale. Et tout ça gratuitement. Wow! Donc, vraiment. Puis le personnage qui a été le plus représenté, c'est Donald. Parce qu'il est acariote, hein, Donald. Il chiale tout le temps. Donc, ça faisait une belle mascotte pour l'effort de guerre. Voilà. La plus grande réussite de Disney. On va y aller avec une petite devinette. Donc, trois indices. Deux, en fait, parce que je viens d'en spoiler une. Donc, a gagné 5 Oscars. 5 Oscars? Pas Bambi. Pas évident. Non, pas Bambi. Ça commence par la W? Pinocchio. Non, pas Pinocchio. Pas Dumbo, c'est pas La Belle et le Clochard. Non, mais... C'est un personnage ou un film? Une de ses actrices principales était Julie Andrews. Ah, la mélodie du bonheur, non? Ah non, Mary Poppins. Mary Poppins, hein, voilà. Donc, je vais m'abstenir de dire le super long mot, là, parce que je suis sûr que je vais me tromper. Donc, Mary Poppins, une des plus grandes réussites de Disney. 5 Oscars, dont la meilleure actrice, meilleure chanson, meilleure musique de film, meilleur effet visuel, meilleur montage. Nominée 13 fois aux Oscars, plus que tous les autres films passés ou futurs de Disney. Donc, plus grande réussite. Le parc Disneyland, créé en 1955. Puis, à son inauguration, ça a été un trop grand succès. Il y a des faux billets. Non, il est mort en 1963. Ah, je n'étais pas à la bonne, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Ça aurait été tellement dramatique. Il s'est fait piler dessus par tout le monde qui rentrait dans le spectacle. Un éléphant, Dumbo. Donc, des faux billets qui sont vendus. Plus, des millions de gens qui se sont ramassés sur le site. Donc, trop grand succès. Puis, au bout de 7 semaines... c'est ça, ils ont eu leur millionième visiteur. Wow! Les parties du parc, il y a 5 grandes parties. Hein, la Main Street, qui représente les années 1900, les magasins, c'est là où il y a tous les magasins. Là. Vous pouvez acheter toutes les affaires. Est-ce que vous êtes déjà allé à Walt Disney? Mm-hmm. Non. Mais je me suis tellement déjà comme... Tu sais, tu peux commander le DVD gratuitement qui te montre toutes les attractions. Je me suis comme commandé ça, je regardais ça en pleurant. Je vais y aller. C'est beau, hein? C'est beau. Tu te mettrais proche de la TV pour être comme si t'étais sur place. Ah, oui. L'année prochaine, il faudrait que ça soit assemblage requis à Walt Disney. À Walt Disney, oui. Placement de produits puis tout ça. Oui, c'est parfait. Mm-hmm. Ouais. On leur demande de nous envoyer des billets gratuits. Ça serait génial. On filme l'émission directement là-bas, comme toutes les sitcoms des années 90. Il y a un épisode filmé à Walt Disney. Wow! J'embarque. Donc, la Main Street, vous avez le Tomorrowland, donc le monde du futur. Il y avait là, avant, le Extraterrestrial Alien Encounter. Moi, quand je suis allée, il y avait ça. Puis c'était vraiment dégueu, là. C'était vraiment Alien qui sortait de sa capsule puis qui se promenait sur les bancs. Puis, en fait, quand il sortait de sa capsule, il sautait par terre puis il fixait quelqu'un dans la salle et devinez qui était là. Moi! Donc, moi, je me suis retrouvée en face des lions. Donc, voilà, à 13 ans. C'était super agréable. Donc, vous avez aussi Fantasyland. C'est là où il y a le château. Puis, il y a aussi It's a Small World, qui est une attraction apportée directement de l'Expo de New York de 1964-1965. Super connue à Walt Disney. Frontierland, qui est le Far West. Adventureland de Pirates des Caraïbes, qui est là. Autrefois, le prix d'entrée, c'était 1,25 le billet. Aïe, aïe. Maintenant, 85 $ environ par personne. L'inflation, hein? OK, un petit peu, à peine. Oui, mais pour vrai, c'est tellement gros, je veux dire, ça te prend combien de temps à faire le tour? Il faut que tu restes là 2 semaines, puis... Ben le parc en tant que tel de Magic Kingdom, parce que t'as plusieurs parcs là, à Walt Disney maintenant, mais en une journée, là, ça se fait. Oui, OK. Ça se fait, mais 2, c'est super. Je vais sauter Weight Watchers. Non! on sauve notre ligne. On saute de régime parce que je vais vous parler de Whippet. Ouais, c'est Whippet. Ça. Ah, c'est bon. Ah, parce qu'on a mangé de la Whippet. Aussi appelé tête au choco. Tête au choco? J'ai jamais entendu parler. Tête au choco? Ouais, assez spécial. Hein? Ça remonte à 1901 parce que vous savez que Vio, c'est très vieux. Vio, là, la compagnie Vio. Donc, il y a ils font d'autres choses que ça. D'autres des ponts. Es-tu un pont Vio? Oui. Vio, il y a une station de métro, là. Ben non, mais ils font surtout des ponts et des Whippets. Mais non, tu connais pas tes affaires, Wikipédia. Non. Donc, Viau qui a été inventé, ben, créé en 1867 pour la compagnie de biscuits. Le créateur, quand il a fait le Whippet, ben, un biscuit à la guimauve sur un biscuit, voyons. La guimauve sur un biscuit à la vanille enrobé de chocolat, qu'il a appelé Empire au début. Puis, ben là, il a testé son affaire dans une game de hockey. Il l'a donné gratuitement à tout le monde. Ça a été un grand succès. Mais à cause de la maudite vanille, ça coûtait super cher. Puis là, ben la récession, hein, on sait ce que ça donne. Donc, il a revu l'affaire, la recette et tout. Puis il a dit, ben là, on coupe sa vanille. Donc, il n'y a plus de vanille. Ben, de la vraie, en tout cas. Oui. C'est de la saveur, peut-être, de vanille, je sais pas. Je sais qu'ils en font frais. Oui, au framboise. Ouais, mais ça, c'est du c'est stuff supplémentaire. La confiture, ouais. Ça fait longtemps que je peux manger ça, de dirais Whippet. Whippet. Puis le nom vient, il y a deux hypothèses, parce qu'on n'est pas sûr d'où vient le nom Whippet. Soit le livrier Whippet, un chien, mm-hmm. hein, qui est le cheval de course des pauvres, hein, parce qu'en Angleterre, ils font des courses de Whippet. L'image est vraiment belle. Des courses. Puis après ça, il écrase des Whippet. Paf! Avec le pied. Dis-moi qui tu es. Puis on dit que c'est le chien-chat des chiens, parce que ce chien-là tolère bien la solitude. Oh! Il dort tout le temps, non? Oh. Ou sinon, ça viendrait de whip. En français, pour fouette, parce que la guimauve est fouette. Ah, ben ça aurait plus de sens. Ah, on sait pas. Puis sa marque de fabrique, c'est la Whippet. Hein, la petite poupe là, sur le dessus. Whippet. Ah, ben oui. Il s'appelle Whippet. Whippet. Ah, on va lui donner Whippet. Un nouveau nom. Voilà. Ah. Mm-hmm. C'est cute. Puis au début, ben c'était un accident, là, ce petit whip là. Puis, ben là, finalement, ils le font volontairement parce que c'est la marque de fabrique des C'est comme ça qu'on les reconnaît, des faux Whippet de d'autres compagnies. Est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui font des faux Whippet? Oui. Ben oui, genre complètement. Ah, oui. Oh, les petits coques, Hey, qui a joué dans Alien? Je viens de voir ça. Sigourney Weaver! Oh, je l'aimais! Tout est super concept aujourd'hui, c'était épouvantable. Sigourney. Puis en parlant de Sigourney Weaver, de films d'Alien et tout, ben on va finir avec Warner Brothers. OK. Yay. Donc, assez rapidement, c'est une des plus importantes sociétés de production et de distribution pour le cinéma et la TV, hein, qui est connue. Fondée en 1923 par quatre frères juifs polonais. Albert, Harry, Jack et Sam. Leur slogan, c'est « Entertaining the world ». Oh, nous dire qu'ils sont world. Le monde. Ils sont international pas mal. Oui. Le premier studio qui a expérimenté le son synchronisé, hein, donc le son et l'image, là, c'est les premiers qui ont fait ça. Ça s'appelait les Talkies. Dans oui. Après les films muets, c'est des films parlants, finalement. Ça. Ouais, c'est ça. Puis les premiers à produire le film en couleur et qui parlait, évidemment, On with the Show, en 1929. Premier distributeur mondial devant Walt Disney. Ils sont fait battre. On est déçus. Et même devant Sony, évidemment, parce que c'est les premiers. Puis quand ils ont décidé de faire un film parlant, c'est Sam, un des quatre frères, qui a dit on devrait faire ça, ça va sûrement plaire aux gens. Puis Harry, lui, il était pas du tout d'accord. Il dit qui diable voudrait bien entendre des acteurs parler? Ben oui, hein? Un grand visionnaire. Ça a scrappé beaucoup de carrières d'acteurs, ça, le parlant, parce que. Parce qu'il a pas la voix pour. Ouais, c'est ça, parce que des acteurs qui avaient l'air super cute en avant, mais tu mettais ma voix dessus, ça tue leur carrière. Là. La voix, peut-être. Ouais. Mais aussi, c'est apprendre les textes, hein? Donc, quand il n'y avait pas de dialogue, là... C'était juste des émotions, c'était facile. C'était peut-être plus facile. Puis c'était tellement exagéré aussi, c'était pas tant joué que caricaturé. Mm. Puis ils ont un gros département de dessin animé, comme vous le savez, les Looney Tunes, hein? Bugs Bunny, c'est les Warner Brothers. Ça. Les Animaniacs. C'était bon, ça! Minus et Cortex. Puis, encore, tout un lien, les deux qui ont fait les dessins animés, c'est Hugh Arman et Rudolph Ising, des anciens dessinateurs de... Walt Disney! Des traîtres, tout à fait. Rudolph Ising, genre Rodolphe Glaçage. Cool comme nom. Quand même. Puis, dans les années 90, ils ont acheté des droits pour Harry Potter. Des doigts pour Harry Potter, parce qu'avant ça, il n'y en avait pas. Il y avait juste des moignons. Oh non. Et pour votre information, je suis une des spécialistes au Québec sur Harry Potter. Ah, sans blague? J'ai fait mon mémoire, entre autres, là-dessus. Puis, il fallait qu'il y ait un tous pour un. Ça fait partie de mes talents cachés. Mais okay, voilà. C'est vrai vraiment. Que c'est l'auteur original qui a traduit les thèmes français. qui sont reliés à la littérature de Harry Potter. C'est une bonne question. Là. Je savais qu'il y aurait une question, puis je serais comme bon, je sais pas quoi dire. Ça commence mal. Ça, mais c'était pas pour te troubler, mais en fait, j'entends dire... Ça ressemblait à ça, par exemple, étrangement. C'était l'auteur J.K. Rowling qui avait traduit les thèmes qui étaient reliés au vocabulaire d'Harry Potter. Au monde magique. Mais c'est ce que j'ai entendu moi aussi pour que ça respecte un peu ce qu'elle voulait faire avec... Je pourrais pas dire, mais moi, je suis une spécialiste des livres d'Harry Potter, donc je pourrais pas dire au niveau même des films et tout, là. Donc, vraiment plus au niveau de la littérature. Puis, la saga a remporté 4 470 millions de dollars. Et combien qu'elle en a eu là-dedans? Bonne partie. Un bon bout parce qu'elle vit très bien. Puis, ils ont des grosses franchises, hein, Looney Tunes, tout ce qui est DC Comics appartient au Warner Brothers. Les Ninja Turtles aussi. Lord of the Rings. Les bagues. Je vais dire ça à chaque fois. Non, Mathieu, il me regarde comme... Tu vires folle, toi, là. On est en train de la voir virer folle live. Mais la prochaine fois, là, il faut pas que je sois là. Puis, ben, pour les plus geeks, Dragon Ball. Aussi. Ils ont ça, eux autres. Donc, voilà. En terminant, super nouvelle, gang. Donc, j'ai contacté Mathieu hier parce que là, j'ai dit, écoute, ben là, deux lettres par semaine, là, moi, je capote, là, faut que je fasse des choix, ça va ben trop vite. Là, il m'a dit, calme-toi le wagon, Véro, hein? C'est ça que j'ai dit, citation exacte. Calme-toi le wagon. Donc, on s'est dit qu'on va continuer ça à l'automne. Hein, c'est pas génial, ça? Yeah! Donc, on va pouvoir faire le reste de l'alphabet? On va prendre ensemble. Ça mollo, puis on va avoir le temps de bien... Vas-y mollo, ça va être dans les vœux la semaine prochaine, j'imagine. Peut-être. Pas aussi. J'ai pas parlé de Watatata. Non, c'est vrai. Tout bad. Et voilà. Merci, Violémire. Merci à vous. Quand ça va avoir fini l'alphabet, tu vas te tomber dans les chiffres. Ben, alphabet à gamin. Mais je pense que j'ai pensé aussi. C'est pas vrai. On aime ça. Est-ce qu'on veut pas que... Tu sais, on veut que tu continues? Ben, c'est que tu continues, c'est le subjonctif, je sais pas quoi. Là. Le passé simple? Non, que tu continues. Ah oui. Le subjonctif, je sais pas quoi. Passé, c'est ça? Ben, non, présent, me semble. Que tu continues, c'est pas genre... Sur ce débat. Whatever. Non, sinon, ça serait que tu continuasses. À la semaine prochaine, Véronique. Oui! On va terminer l'heure ici. On va se retourner après ça avec une dernière heure, une quatrième et dernière heure avec Dedin. La chronique, c'est expressé de répondre là. On va aussi faire d'autres petites chroniques comme ça qu'on va se saupoudrer pendant la dernière heure. Stéphanie, tu vas être là? Oui, on va se saupoudrer de chroniques, ça me plaît. C'est comme des épices sur ta poutine générale Tao. Un petit peu de paprika sur ton pâté chinois. Ou une épice en W. Du Wasabi. Wasabi. Ouais. Pas mal bon. À la seule. Hein? Hey, j'en trouve pas. La Wicked Spice. Okay. Non. La musique va monter tranquillement jusqu'à ce qu'on s'en aide et qu'on soit enterré par la musique. Levé. C'est tout. Les extrêmes de nos amis. C-F-O-U 89-1. C'est la quatrième et dernière heure d'Assemblage Wiki à la plage pour la semaine du 27 mai 2013. C'est Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Plante. Toujours avec David Perron et Justine Renaud qui sont apparemment dans le coin encore ou peut-être pas. Ah, Justine, elle fait à baboune. Ouais, c'est ça. Elle a l'air frustrée. Je pense qu'elle n'est pas satisfaite de ses blagues qu'elle a essayées. Mais non, elle a une mignonne baboune. Mais non, mais là, je boude pas, là. Mais ça boude pas, elle baboune. C'est quoi sinon? Ben, baboune, c'est pas pareil, babouner puis bouder. J'étais sur mon départ, j'étais tout simplement. Ah, tout le monde s'en va, David aussi? Ben, moi, j'ai une tercelle à conduire. Ouais, en tout cas, on perd Véronique, on perd Justine, mais ils s'en vont juste se baigner, c'est correct. Il y a la plage de chaque côté. Allez vous profiter du soleil. Il y a déjà des vagues en arrière, là. Pardon. Non, ils sont très onomatopesque aujourd'hui. Pourquoi sont finis les vagues? Onomatopesque? Ben oui. C'est un vrai mot? Non. Ou tu l'as inventé? J'invente beaucoup d'affaires. Non, mais C'est le fun, hein, quand David essaye de discuter avec nous, pas de micro. Qu'est-ce que tu dis, David? Je t'entends pas, quoi? Je t'ai pas ouvert non plus, ça aide pas. Vas-y, d'abord. Je disais juste que Justine était bonne pour faire des néologismes. Ok, tout ça pour ça? C'est super. Tout ça pour ma néologie. Bon. Bon, moi je suggère qu'on retourne entendre un petit bloc de musique francophone parce qu'on n'a pas fait beaucoup depuis les dernières heures. On va aller entendre les positions 9 et 8 tout à l'heure Outek avec FM qui monte à la 20e place, mais pour l'instant la position numéro 9 francophone. Donc on s'en va entendre Paul de Rouge Pompier. Oui, à son âge requis à la plage. Oh! Est-ce que je vais gagner? Yeah! Un tuyau coincé dans la fenêtre. L'échappement. La porte de garage bien fermée. Celle de la maison également. Qu'est-ce que tu fais là? Cher Paul, aimable, sportif, sens de l'humour, dépendant au jeu du hasard. Le casino, il connaissait ça. C'était vraiment lui le meilleur pour pouvoir prédire si la machine paierait ou pas. Sauf cette fois-là. Dommage. Maintenant, Paul, maintenant que tu es en retraite forcée, laisse-nous te saluer. Toi, tes amis, tes enfants et ta femme, viens-tu s'exprimer avec les bons mots en te trouvant? Numéro 8. La porte. Et FM, position numéro 8, qui monte de 12 places de nouvelle entrée la semaine passée. Et avant ça, c'est la numéro 9 francophone qui se donne à être Rouge Pompier et Paul. Hey, c'est bon, ça, j'ai chanté fort. Ça me fait penser à Projet Orange. Mon automobile. Comment? Ben, Projet Orange. Tech, ça me fait penser à Projet Orange, le groupe qui était fondé dans les années 2000 et qu'on ne sait plus qu'est-ce qui arrive avec. Là. Ça, c'est le groupe du gars de Malajub, là, c'est le batteur, je pense. Ah ouais? Malajub, ben ouais. C'est Outek, et puis leur album s'appelle aussi Outek. Voilà pour ça. Maintenant, on passe à une chronique de moi, qu'aujourd'hui, il n'y en a pas eu à date, fait que c'est rare quand même. Voici, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. On va se faire une petite rafale de faits parce que j'en accumule tellement à chaque semaine et je le fais pas toutes les semaines qu'à un moment donné, faut bien que ça se passe. Ouais, vas-y, instruis-moi. Instruis-moi, Caroline, c'est la barre est haute hein, parce que tu connais presque tout, toi, dans la vie. Ben non. Savais-tu qu'un mille-pattes... Ça n'a pas mille pattes et ça n'a pas 100 non plus parce qu'en anglais le nom c'est centipede et non pas un mille pattes. Ça va être ça. Non, ça je savais pas. Voilà. Je parle pas beaucoup de mille pattes. Quand ça m'adonne de parler en anglais, c'est souvent pour essayer de survivre et manger. Fait que je parle pas de mille pattes. One beer, please. Donc un centipède ou un mille pattes, en fait, n'a jamais été découvert avec 100 pattes. Le max qu'on a trouvé, c'est 96. Ben, c'est quand même respectable. C'est proche de 100, mais pas proche de 1000 du tout. Non, mais mille feuilles non plus. Je pense que ça n'a pas mille feuilles du tout. Mais je ne les ai jamais comptées. Je ne sais pas si c'était une quoi feuille, le plus gros mille feuilles. Deux feuilles. C'est comme mille millions de sabords. Il n'y a pas mille millions de sabords. Il y en a juste un. Sinon, ce serait comme interminable. Mille millions de millions de millions de milliards de milliards de sabords, de sabords, de sabords, de sabords, puis ils continueraient. C'est quoi des sabords? Le melon d'eau. J'en ai aucune. Le melon d'eau peut soulager le stress et l'anxiété et vous garder plein d'énergie et augmenter votre métabolisme. C'est ce que le melon d'eau fait. C'est un très bon fruit pour toi et toi. Et mais toi? Pas moi, parce que j'aime pas le goût tellement. J'aime les choses à savoir le melon d'eau, mais pas le melon d'eau. T'aimes pas le melon d'eau? Pas la texture. Essaye, mais prends du melon d'eau, effoire-les qu'une fourchette, okay, ouais, mets ouais. ça dans un truc, dans un popsicle, oh. tu fais geler ça, oh. ça ah, fait oui. des popsicles au melon d'eau, ah, mais tu sais, 100% melon d'eau, ouais. c'est ah, super ou tu manges bon. De la banane, des oranges, bien. Okay. Ouais, pis c'est bon pour la santé. Un smoothie au melon d'eau, c'est parfait ça. Les maux de tête sont un petit peu plus communs chez les jeunes garçons. Les femmes adultes en souffrent 4 fois plus que les hommes adultes. Des maux de tête. J'ai tout le temps mal à la tête. Ouais, moi aussi. Mais en fait, moi, ce qui est bizarre dans ma vie, c'est quand j'ai pas mal à la tête. C'est comme plus un rare. Phénomène. Ouais. C'est plus rare, ouais. Moi, je te comprends. Certains enfants ont ce qu'on appelle maple syrup urine disease. C'est quand leur urine sent le sirop d'érable. Ça arrive. Des plans pour se tromper le matin quand tu mets ça sur tes greilles. Ah, c'est ça le sirop de poteau. Hey, gars, quand... C'est cheap labor. Oh, cheap labor. Mais c'est parce que tu dis ça et j'ai écouté, tu sais, la fameuse émission Mon étrange dépendance. Oui. Et la fille buvait son pupille. Dégueulasse. Et pour vrai, je regardais ça, puis là, à un moment donné, c'est comme trop, là. Elle s'en met partout sur le corps. Elle prend son bain elle là-dedans. Ouais. Elle s'en met dans la face. Puis là, t'as comme une petite envie de vomir quand t'écoutes ça. Faut pas écouter ça sur l'heure du souper. Ce qu'on a fait au début, erreur. Ah oh oui, vraiment. Ça mange toutes sortes d'affaires là-dedans. Le mot lethologica. Qu'est-ce que ça veut dire, lethologica? David, c'est pas. Lethologique, non. C'est l'état. Quand t'es pas capable de te souvenir du mot que tu cherches, c'est l'état. Ah! Lethologica. C'est ça. Quand tu l'as au bout de la langue, là. Qui t'empêche de survivre. Selon la US National Health Foundation, après avoir souffert d'un rhume, on devrait attendre au moins 6 jours avant d'embrasser quelqu'un. 6 jours? Ouais. Ouais. Ben, De toute façon, oui. La personne que j'embrasse dans la vie, je la côtoie déjà beaucoup pendant que j'ai le rhume. Il mérite d'avoir ton rhume à moi. Non, mais je veux dire, cette personne-là va le pogner de toute façon. Voilà. Le fabricant de crayons Crayola, Emerson Mosher, était daltonien et a gardé ça secret jusqu'à sa retraite. Le gars qui a inventé qui fabriquait les crayons Crayola était daltonien. Mais c'est-tu lui qui a décidé de la palette de couleurs? Ça, peut-être pas, par contre. Peut-être pas. Ça le dit pas, mais je penserais pas. C'est quand même ironique. C'est ironique, oui. Ben, c'est comme Beethoven qui était sourd. Tu sais? Fait que tu peux avoir une vision quand même. Ouais. La tour Eiffel est repeinturée à environ à chaque 7 ans et demande 50 tonnes de peinture à chaque fois. Wow! Quand même. Les yeux bruns sont en fait bleus en dessous du brun. Et ouais, il y a une chirurgie au laser pour enlever la couche brune pour que tes yeux soient bleus. Hein? C'est pas débile, ça? Hein? Ouais, il y a une chirurgie au laser pour enlever le brun et pour devenir bleu, les yeux bleus. Ouais, mais le brun devant, ça serait peut-être pas une protection? Est-ce que ton œil deviendrait plus fragile à la lumière si t'enlèves ton brun? Excellente question. Il me semble que je serais craintive de ce côté-là. Mais tu sais, si ça existe, c'est que ça a été approuvé. T'es-tu sûr de ça? Ben, si les médecins... Ben, je sais pas. Ben, ça dépend. Si ça existe... Non, mais ils s'en passent plein des trucs, là, qui sont pas... qui est pas légal, là. Ben, je veux dire, les implants mammaires, c'est dangereux pour la santé. C'est vrai. La peur... OK. C'est une phobie. Syngénésophobie. Syngénésophobie, mais singe, S-Y-N-G-E. Syngénésophobie. C'est beau. Ah, c'est difficile, ça. C'est la peur des membres de ta famille. OK, ça, c'est bizarre. C'est ce que tout le monde a, finalement. Dans le temps des fêtes, là. C'est ça, surtout. OK, j'essaie de formuler des questions, des fois, de faire des petites devinettes pour rendre ça le fun. L'objet étranger retrouvé la plupart du temps lorsqu'un Américain s'étouffe. Quelle est la chose qu'on retrouve? Un os de poulet. Non. Un bretzel? Non, c'est un cure-dent. Et le sondage donne... Non. Je faisais mon Jean-François. Mais c'est pas comme ça, c'est on a demandé à 100 Québécois québécoises. Mais à la fin, c'est dit le sondage. Je sais pas. En un an, une personne moyenne va marcher pendant 4 000 pour faire son lit. Hein? 4 miles in kilometer, pour voir. Il marche pendant 6,4 km pour faire son lit. Tu sais, quand tu passes d'un côté à l'autre pour ramasser tes couvertes, puis ramasser l'autre bord de tes couvertes. Ben non, je m'excuse, là, ça s'apprend comme deux leakings, puis faut vraiment que tu sois... Non, en moyenne, pendant un an, là, ben, 6 km, c'est pas pire. Ouais, ça a l'air crédible. L'état médical pour un brain freeze, tu sais, quand ton cerveau gèle, quand tu manges de la slush, genre, c'est la sphénopalatine ganglioneuralgie. On va continuer à dire un brain freeze. Brain freeze. Une petite sieste rapide, on en parle souvent, des petites siestes rapides, comment c'est une bonne chose. Ça aide à en renforcer ta mémoire. Prendre une sieste après avoir appris quelque chose de nouveau va en fait le mettre dans la mémoire permanente de ton ordinateur, dans ta RAM. Ça va passer du RAM au disque dur. Donc après, c'est un fait, on fait une petite sieste en onde. C'est ça, pendant la pause. Parfait. Ça revient, restez là. Une personne qui souffre de cataplexie est souvent paralysée par ses propres émotions. Va se mettre à rire et va se paralyser, ou pleurer. C'est triste, hein? Cataplexie. La masclophobie, c'est la peur de voir de grosses mascottes. Tu sais, là, le gars qui annonce les essuie-tout, là, François Mascotte. Ah! Oh. Je l'ai fait tout le temps, celle-là. Ah! Ouais. Oh. Mais je suis très sûre que. Pourquoi ça existe, les mascottes? Il n'y a personne qui est vraiment fan de mascottes. Les enfants. Non, on va regarder. Non, non, moi, quand j'étais enfant, je suis déjà allée jouer dans un restaurant de fast-food connu, dans une petite pièce à jeu. Chez Wagdo. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, puis là, il y a une espèce de grosse affaire mauve qui est arrivée. Non, je l'ai trouvé agressant, puis tu sais pas, c'est peut-être un pédophile quand ben, tu fais ça. C'est sûrement, en fait, je pense que c'est un prérequis. le meilleur endroit où squeezer une bouteille de ketchup Heinz... En dessous du bras? Non, c'est là où on a le 57, c'est-à-dire le goulot. Tu sais, c'est écrit 57 okay, dessus. Sur la bouteille. C'est donc sur le 57, sur le goulot de la bouteille de ketchup, hein, c'est là que ça sort le mieux. Le syndrome de frigolie, ou quelque chose comme ça, c'est une délusion, en tout cas, bref, où une personne croit que tout le monde qu'elle rencontre dans sa journée est en fait la même personne. T'as l'impression que chaque personne est la même personne. Bizarre, hein? Hey, ça, bonjour, c'est pas comme quand... Il y a quelqu'un qui m'avait dit « Hey, Marcel Leboeuf puis Fred Caillou, on les a jamais vus dans la même pièce, ça doit être la même personne. » Non, c'est pas ça. David? Hey, bonjour Stéphanie, bonjour Mathieu. Hey, salut. Bonjour Stéphanie, bonjour Stéphanie, bonjour Stéphanie. Ah, moi je pensais que c'était encore David Ferron comme dans c'est le fatigant de David Ferron de tantôt. C'est... Non, non. Voyons, coudonc, c'est encore David Ferron. Je pense que c'est encore le mot du fatigant de David Ferron. Ben voyons, il y a-tu comme deux Stéphanie, mais avec deux voix différentes. On dirait, il y a un Stéphanie avec grave. Ouais, puis une Stéphanie qui est à ma droite. Stéphanie à barbe. Oui. Hey, je suis rasé d'hier, comment? Ah, c'est troublant. Troublant. Troublant. T'as changé ta journée de barbe? Merci. T'es rendu le mercredi? C'est pour être frais à l'émission du jeudi. Voyons. Il y a une chance, 97% des chances que tu... Si tu rêves que tu fais pipi, ben t'es en train de faire pipi dans ton sommeil, pour vrai, dans ton lit. 97% des chances. Ah, c'est pas vrai. Non? Je rêve très souvent que je fais pipi. C'est parce que tu fantasmes sur ton pipi. T'aimes tellement ça. Ouais, tu veux n'importe quoi. Wark. Les docteurs... Vas-y. Non, non, mais j'ai jamais fait de pipi au lit, bon. Jamais, bon. Pas dans ma vie adulte, en tout cas. T'es dans les 3% de chance, même. Ouais, mais 3% pendant 100% de ta vie, ça fait plus que 3%. Trop de maths pour moi. Les docteurs, avant, ils goûtaient l'urine pour déterminer si quelqu'un avait le diabète. Parce que leur urine goûtait sucrée quand ils avaient le diabète. Ils devaient être contents d'avoir trouvé une autre façon? Hein? Ah, il est maudit. Manger une pomme par jour, non seulement... Éloigne le médecin pour toujours. Évidemment. Va aussi améliorer ta digestion et va baisser ton taux de cholestérol. Ah! Si tu tombes dans un volcan, tu vas flotter jusqu'à la surface de la lave avant de rapidement prendre en feu et brûler à mort. Cool! C'est cool, hein? On l'essaye à soir. Les nécro-animatophiliaques. C'est des personnes qui sont attirées par les zombies. Nécro-animatophiliaques. Ah. Intéressant. Plus ton quotient intellectuel est élevé, plus tu vas oublier les choses rapidement. Tu vois? Ah, ça veut dire que j'ai un très haut quotient intellectuel. Non, mais il doit y avoir des exceptions. Là. Oui, comme David. Je m'en rappelle pas de ce que tu viens de dire. C'est quoi que tu viens de dire? On dit qu'on t'aimait, David. T'es qui, toi, déjà? Quoi? T'es qui, toi? Où suis-je? Où suis-je? Ah. Quand sais-je? C'est un fait, la chronique des faits, finalement. Le sperme. C'est quoi de... déjà ta chronique? C'est un fait. Le sperme de ton. Et c'est une garniture populaire sur les pâtes. T'as peu. Alors, comment ça? Le sperme de thon. Tu dis thon le poisson? Le poisson. Ou thon l'animal qui vole? L'insecte, là? Ah, non, le thon T-H-O-N, oui. T-H-O-N, le poisson. OK, oui. Donc, c'est une garniture de pâtes commune à Sicily. C'est en Sicile, Sicile ouais. Galipo? Sicile. C'est la sœur de Céline Galipo. Ouais. Donc, du sperme de thon. Je comprends pas. Je sais pas, mais c'est une belle garniture. Rasblioto. Rasblioto. C'est un mot russe qui décrit le sentiment de vide pour quelqu'un que tu aimais, mais que tu n'aimes plus. Sentiment vide. T'as plus d'amour pour la personne. Rasblioto. On dirait aussi une garniture de pâte à Sicile. Mais c'est pas... un homme a passé 17 ans à construire une Lamborghini de zéro. Donc, il a commencé, il l'a fait lui-même dans son sous-sol. Et ensuite, il a dû faire un trou dans son mur pour la sortir, parce qu'il n'a pas pensé à construire ça une place comme dans un garage. Ah, bravo! Superbe! Superbe! On l'adore! Bravo, monsieur! Dormir pendant moins de 6 heures par nuit va avoir un impact sur ta capacité de réfléchir et de penser pendant la journée suivante. Par exemple, cette nuit, je me suis couché à 4 heures du matin pour me lever à 8 heures, comme un génie. Tu sais, parce que j'ai pas besoin de faire ça, mais je me donne comme « Oh, ben, Colin, faut que je fasse quelque chose, que j'ai toute la journée de libre. » Tu sais, t'as juste un matin par semaine qu'il faut que tu te lèves tôt, puis c'est la veille que tu choisis de... C'est ça qui est les problèmes m'arrivent, tu sais, dans ma tête. Donc, ça va faire que tu vas moins bien penser, tu vas peut-être aussi moins bien traduire des faits sur Twitter le lendemain. les bébés ratons laveurs vont cacher leurs yeux quand ils vont avoir peur, comme les jeunes enfants... Qui pensent que tu peux pas les voir s'ils cachent leurs yeux. C'est cute! C'est bien, mais bébé raton laveur, come on, c'est cute! Oh, je vais aller taper ça, là. Mets-toi un fond d'écran, bébé raton laveur. Je vais aller voir ça. 54% des gens ne savent pas nager. Combien? 54%. Moi, je flotte, de toute façon. Tu flottes? C'est quoi qui fait que tu flottes? Tu fais que je flotte? Ouais. Ben, j'imagine que j'ai une proportion plus élevée de masse adipeuse que de masse musculaire, puis c'est plus léger, puis ça flotte. Non, mais ça, c'est de la science! Non, mais il y a des personnes qui, on dirait que naturellement, ne flottent pas, peu importe ce qu'ils font. Moi, j'ai une amie comme ça, t'as beau la mettre dans la position la plus de flottaison idéale, jamais elle flotte, elle est comme une roche, elle est faite comme un béton, puis elle coule. Ben, je pensais que c'était la normale, la comme chose. Comme une poque. Non, si tu fais l'étoile, t'es supposé flotter, là. Huh. Ben oui. Un corps... Dubitatif. Non, mais tu sais, un cadavre, ça flotte. Oui. Fait qu'un corps, ça flotte. Ouais. Fait C'est un fait. C'est supposé flotter. L'éclair frappe la Terre environ 100 fois par seconde ou 8,6 millions de fois par jour. Hein? Quand 100 même. Fois par seconde? Wow! La moitié de tous les voyages en voiture aux États-Unis durent moins de 3 000 de long. Donc, si 4 000 voulait dire 6 km, je sais pas, j'imagine un petit peu moins de 5. Là. Si on marchait ou qu'on prenait le vélo à la place de faire ces petits voyages de presque pas de kilomètres, on pourrait économiser 2,4 milliards de gallons de gaz par année. Pour quand ces petits même. Voyages au dépanneur ou au coin de la rue. Un Américain sur 8 a déjà été employé chez McDonald's. En fait, on parle d'un travailleur américain sur 8 et pas toute la population. Voilà. Donc, a travaillé chez McDonald's. Intéressant. La gyroscophobie, c'est la peur de vieillir. Gyroscophobie. Les danseurs et les chorégraphes. Chorégraphes, c'est bien ça. Les chorégraphes. Chorégraphes, c'est ça. J'ai tout de la misère avec ce mot-là depuis ma jeunesse. C'est eux qui ont le plus haut taux de divorce, suivi de près par les bartenders, donc les bartenders. Les bartenders. Et les thérapeutes qui font du massage. Les taux de divorce les plus élevés. C'est bien bizarre. Jaloux. La drapétomanie, c'est un mot qui décrit lorsque tu as vraiment envie de t'enfuir en courant. Drapétomanie, comme David. Ou de David. S'enfuir de David. Il comprend rien. Il est même pas là. Le fœtus, un fœtus masculin, mâle, d'accord, peut avoir des érections dans le ventre de la mère. Ah. Tu peux serrer tes fingers, David, quand tu veux. Ou c'est avec la circulation sanguine et tout ça. Peut-être qu'il imitait une érection de bébé. Un fœtus. Avec ses doigts. Les fingers. Ensuite, le salaire minimum était de 25 cents l'heure lorsque le salaire minimum est entré en fonction en 1938. 25 cents, un quart de pièce. C'est pas si pire. Non, c'est une chanson dans le jukebox, selon Vincent Vallière. Quart de pièce dans le jukebox. Le poids, le piment... Poivre. Pepper, je vois pepper, je dis poivre, moi, tu sais. Ben mon cerveau, il va là, tu sais, poivre. Ben, ça veut ça dire aussi. That's what it means, you know. Donc, le poivron chili, le plus chaud, le plus piquant sur Terre, et le moruga scorpion, qui est 240 fois plus piquant que le jalapeno. Ouch. Ouch, mama. La plupart des gens vont se tourner 40 fois dans le lit, par soir, par nuit. 40 fois. Je trouve ça beaucoup. Moi aussi. Il y a 284 salles de bain dans le Pentagone aux États-Unis, le Pentagone ou Pentagone. C'est deux fois plus que ce qui est demandé pour une bâtisse de cette grandeur. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a deux fois plus, tu crois? Ils ont tout le temps envie de pipi. Ils boivent beaucoup de café parce qu'ils sont là tout le temps. Ah, ben faire des appels téléphoniques secrets? Ah, peut-être aussi. Non, c'est par c'est à cause de la ségrégation dans le cas. Les noirs et les blancs et les gens de couleur. C'est ça. Et donc, il y avait deux fois plus de salles de bain. Reno, au Nevada, Renault, comme vous voulez le dire, a le plus haut taux, je sais, d'alcoolisme aux États-Unis. Provo, dans l'État de l'Utah, est le plus bas, le plus faible taux d'alcoolisme. Donc, oh, mais ils n'ont pas le droit de boire, eux autres, dans l'Utah, me semble. Les Mormons. eBay, dans le monde au complet, vont échanger plus de 1839 $ de biens à chaque seconde. Ah, à chaque seconde. Wow. Seconde. Au jeu de Monopoly, l'espace sur lequel un joueur a le plus de chances statistiquement d'atterrir est l'avenue Illinois. Parce qu'il y a plus de cases, j'imagine? Non? Plus de cases? Non, je pense qu'il y a une case chaque, non? OK, avenue Illinois, OK, dans ma tête, je voyais une couleur au complet. Pourquoi l'avenue Illinois? Aucune espèce d'idée. J'imagine que c'est par rapport à la case par laquelle tu commences le jeu. Peut-être que ça a rapport avec ça. Peut-être que le nombre de sur le dé, t'as juste 6 à faire. Peut-être que statistiquement parlant, un dé a plus de chances de tomber sur certains chiffres. Je sais pas. Ben non, statistiquement, il y a autant de chances de tomber sur le 1 que le 6. T'as une chance mais sur 6. Hein, mais peut-être qu'en additionnant tout ça, ça fait que ça atterrit sur Illinois. Moi, je pense que oui. C'est bon, je vais acheter Illinois la prochaine Illinois. Fois que je vais jouer. Retenons ça. Personne joue avec des hôtels de nos jours. Ou des petites maisons, mais... Ah, c'est compliqué, je ça. Sais pas. Les chèvres mâles vont faire pipi sur l'un l'autre. Les chèvres mâles, les boucs? Les boucs, émissaires. Vont se pisser dessus pour attirer quelqu'un de l'autre sexe ou dépendant, mais pour attirer quelqu'un. Un concubin. Un concubin ou une concubine. Donc, ils vont se faire pipi dessus. Hey, bonne idée. Au-dessus de 25% des Américains mangent du fast-food à chaque jour. 25% de corps. Une étude américaine montre ou nous apprend que le tiers des hommes et 12% des femmes ne lavent pas leurs mains après avoir utilisé la salle de bain. Arc! 12% et le tiers. Je vous dis arc. Linda Wolf a présentement le record Guinness pour la femme qui s'est mariée le plus de fois dans le monde. Elle est morte célibataire en 2010, mais elle avait eu 23 ex-maris avant. Méchante guédoune. Excusez. Walt Disney, à l'origine, voulait nommer sa souris Mortimer Mouse. Mais sa femme n'aimait pas ça, elle a choisi Mickey. C'est vrai, j'avais déjà vu ça quelque part. C'est pas beau, Mortimer. Du tout. Ça fait pas très enfantin non plus. Non, c'est trop vieux. Ça fait mortuaire. Oui! Ça fait une vieille souris, tellement là, ridée, bougonneuse. Oui. La souris mortuaire. Oui, j'aime ça. Le nom de famille Kardashian, les sœurs Kardashian, c'est fils d'un maçon en arménien. Ah. Eh bien... Ça rend pas leur émission plus intéressante. Les croustilles sont la collation préférée des Américains, dévorées à un taux, à un rythme de 1,2 milliard de livres par année. Wow, heureux. Walt Disney a reçu 59 nominations aux Oscars, un record qui n'est toujours pas battu. Les femmes ont tendance à avoir plus de papilles gustatives que les hommes. Ah ouais? Au 17e siècle, la reine d'Hawaï, Keopuyolani, était considérée tellement sacrée que juste toucher à son ombre... C'était punissable, puni, en tout cas, pouvait être puni par la mort. Mais j'ai tout le temps pour une anecdote. Il y avait une reine. Ouais, il y avait une reine de l'Asie, je me rappelle plus dans quel pays, mais elle se noyait, puis il y avait personne qui pouvait la sauver parce que justement, on pouvait pas la toucher parce que c'était illégal de toucher à la reine, donc ils l'ont laissé noyer parce qu'ils pouvaient pas la sauver. Tant pis pour elle. Oui, je pense que oui, je me rappelle d'avoir entendu ça. Intéressant. Un homme de 62 ans avec une mauvaise vision et une mauvaise ouïe. Pas la console. Un mauvais oui. C'est ça, Il y avait un mauvais oui. Elle s'est fait frapper par l'éclair et quand il s'est réveillé le lendemain matin, il pouvait voir et entendre. Ah, cool. Vraiment hot. Tu sais, lui, il était mardeux. Oui, rempli de number two. La NASA va payer 15 000 $ à n'importe qui est capable de rester couché au lit pendant 87 jours. Je pense que c'est un job pour moi. C'est pour étudier les effets de la gravité zéro. Ah, 87 jours. 87 jours, c'est paradis, ça. Avec une oui. Certaines personnes ont peur d'être trop heureux, je pense qu'on va dire trop heureux. Parce qu'ils pensent que quelque chose de tragique va leur arriver bientôt. Ça s'appelle la chirophobie. C'est comme pour équilibrer le tout. C'est ça, là. Le karma. C'est comme tu veux pas que quelque chose de bien t'arrive parce que quelque chose de mal va t'arriver. T'as fait une vie plate, ça. Vraiment. Seulement 21% des Américains font leur lit. Combien? 21%. Vas-y. Oui, c'est correct. Ouais. Si Wikipédia devenait un livre, il mesurait 2,25 millions de pages de long. Et prendrait environ 123 ans à lire. Ouais, puis c'est pas tout vrai. On a parlé tantôt, là. L'œil humain a environ 576 mégapixels comparé au iPhone 4S qui en a 8 mégapixels. Mmh. Le popcorn est mangé depuis presque 7000 ans. C'est une très vieille invention. 7000? 7000 ans. Wow! Ah ouais! La Norvège a des règles très strictes sur les voitures. En fait, on ne peut pas dire dans une publicité qu'une voiture est verte. C'est de verte comme... pour la nature, l'environnement. Parce que les voitures ne peuvent rien faire de bien pour l'environnement à part en faire moins que les autres. Ah, c'est pas fou pareil. Ben, je trouve ça brillant. Ça fait pas du bien, ça fait juste moins de mal. Fait que tu peux pas avoir... C'est pas un avantage. Un vélo pourrait être vert, par contre. Ça peut être vert. Le coût des livres dans les universités aux États-Unis augmente plus vite que le coût de la santé, les prix des maisons et l'inflation. Les livres des universités, les livres textbooks. ZZ Top a refusé une offre de 1 million de dollars par Gillette pour raser leur barbe pour une publicité. Ils ont de l'intégrité. C'est cool. Non, mais sérieusement. Combien? 1 million? 1 million. Ben, ils ont plus d'argent que ça. Là. Ouais, je sais pas. Rien, 1 million là, pour garder ta barbe. Mais je trouve que ça reste intègre. Même si c'était juste parce que bon, ça fait tellement longtemps qu'on les a, on veut pas les enlever. Moi, je pense que les deux raisons sont bonnes. Se masturber, se toucher 42 fois en une seule nuit a causé la mort de l'adolescent de 16 ans à Rubiato Town au Brésil. Ben là, quand il est mort de quoi? De déshydratation? Je pense que c'est son cœur qui n'a pas tenu, quelque chose comme ça. Ah, peut-être. La couleur qu'on voit quand on se frotte les yeux, tu sais, là, des fois, tu frottes tes yeux trop, t'as de la couleur. Ouais, c'est multicolore. C'est ça? C'est des phosphènes qu'on appelle. Des phosphènes. Le premier jour de notre calendrier, si on recule sur Windows ou Mac, là, qu'on recule des années 2013, là, de l'année 2013 jusqu'à l'an 1, le premier jour de la vie était un samedi. Cool! C'est drôle. C'est un ordinateur juif. C'est ça, ben oui. Ça commence bien la vie, je trouve, par une fête semaine, non? Oui, tant qu'il a commencé, tout se met commencer en vacances. Le lundi est loin encore. Donc voilà pour C'est un fait, assemblagerequis.com et twitter.com/asrequis. Il y a une liste qui s'appelle C'est un fait pour voir tous les faits que j'utilise pas et que j'utilise dans l'émission. Là, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps, une quinzaine de minutes. On va se dépêcher, aller prendre la petite pause et demie qu'on a ratée. Après ça, on revient avec Sex Message de répondre là. On se fait un quickie? Oh que oui. Oh que oui. Avant tout le monde. 89.1. Toujours à l'assemblage vocale à la plage. Il nous reste une quinzaine de minutes. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. On est rendu seul. Il nous reste, comme je disais, 15 minutes. Et la prochaine émission s'en vient dans quelques instants. Donc, restez à l'écoute. Pour ça, évidemment, c'est toujours babel fun de rester à l'écoute pour la prochaine émission qui a un nom et un animateur. Dépendant du jour que vous écoutez, c'est jamais la même personne. On pourrait dire Rock Révélé jeudi, Voyage de Célite le samedi, et puis un genre de bleu le dimanche, je crois. Hey, c'est bon ça, un genre de bleu. Oui, avec Simon Fédé. C'est vraiment bon. En passant, ceux qui se demandent où est la carte postale musicale de Simon cette semaine, il n'y en a pas. Il prend un petit congé, mais il s'est mérité. Hein, pour vrai, des fois, ben que, oui. Tu sais, commence mollo un petit peu l'été. Il mérite. Donc, tiens, on va continuer tout de suite avec notre dernière chronique. On va la faire assez rapidement aujourd'hui, contrairement à d'habitude. Voici Sex Smith, ça devrait répondre là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique qui, en fait, règle vos problèmes de la vie de tous les jours. Un gadget à la fois, c'est rendu... c'est l'habitude qu'on a pris avec le temps. Et Stéphanie, tu vas m'aider à dire lesquels sont le fun, lesquels est-ce qu'on saute et lesquels on fait plus rapidement. Donc, la première, c'est une bague qui va te rappeler l'anniversaire de ton mariage avec un circuit à l'intérieur qui... ça va te brûler la date sur le truc, en fait. Ça utilise la... Attends, OK. Il y a bien ça. Ça va se chauffer jusqu'à 120 Fahrenheit pendant environ 10 secondes à chaque heure, toute la journée. Et la température est assez chaude pour te brûler, mais c'est assez inconfortable pour que tu ne l'ignores pas. Donc, la date est programmée dans la bague quand tu la commandes et la batterie est nécessaire pour, dans le fond, que pour te rappeler la date de ton anniversaire de mariage. Mais tu sais, il y a Facebook qui est là pour le rappeler. Je veux dire, la bague, j'imagine, faut vraiment que tu sois inattentif. Là. Oui. Mais c'est quand même dispendieux, mais... 760$. Ouais. Mais je sais pas ce que ça vaut une alliance dans c'est vie. 14 carats. Ouais, mais on s'en fout. On s'en fout. Peu importe le matériau. C'est dispendieux. Déjà, de toute façon, le mariage, c'est dispendieux pour rien. Et c'est du dépassé. Puis Facebook, c'est gratuit, puis ça vous rappelle les dates d'anniversaire. C'est bien dit. Donc, le circuit à l'intérieur va être activé 24 heures avant ta journée spéciale, une fois que ce sera arrivé. Dans le fond, ça ne fera pas ça à l'année longue, là, tu sais, pour ceux qui se demandaient. C'est que tu mets ta bague, puis le jour, 24 heures avant, ça va commencer à te le brûler à chaque heure, comme on avait dit tantôt, que tu te le rappelles. Mais ça peut être pratique. OK, il faut que je réserve le restaurant, le doigt me chauffe, là. C'est ça. C'est de plus en plus, le temps avance, plus il faut que tu te dépêches. Ensuite, tu sais, on a tout le temps le problème dans la vie que la tasse de café, quand tu vas te faire un café, le café va couler sur le côté de la tasse et ça va faire des cercles sur ta table. Tu sais? Donc, ben oui. Il te faut cette table de Simple Design Element et il y a comme un petit anneau, en fait, en dessous, en bas du verre, à quelques centimètres du bas. Et le café, quand il va tomber sur les côtés, il va descendre dans cet anneau-là. Donc, ça va remplacer le problème de nettoyer le comptoir par nettoyer le petit intérieur de verre, finalement. Ben ça dépend. Je veux dire, si tu bois ton café, par exemple, à côté d'une console de radio... Mettons, là, on dit ça. Mais c'est pas une bonne idée, mais ça me fait un peu penser à des pots de fleurs. Oui, vraiment. J'ai l'impression que c'est fait comme ça. Je pense que l'idée vient de là. Ça a du sens. Puis c'est pas fou, mais honnêtement, la petite goutte, t'as la liche, là. Ben oui. Le comptoir, tu le liches. Mais bon, jusqu'à la dernière goutte. Ça vient de là. En passant, c'est pas un produit qu'on peut acheter, c'est une affaire à imprimer en 3D. Ensuite, tiens, ça, c'est un verre qui sert de socle pour ton iPhone. Donc, t'es en train de boire une partie de football ou de baseball, n'importe quoi, ou un concert, et tu veux filmer le concert, mais tu veux aussi boire ta bière, et tu vas avoir dans l'autre main du popcorn. Donc, ton iPhone va tenir sur le verre avec une paille, tu vas pouvoir boire ton liquide, et dans l'autre main, avoir ton hot dog ou ton popcorn, et continuer de boire, et regarder ton iPhone et filmer en même temps. Tu sais, genre. C'est ouais. Comme un verre avec une paille, mais avec un sac. Bon. Je regarde ça, puis on dirait vraiment que c'était fait, tu sais, cheap avec du steak, puis des tailles rap. Dollarama. Ouais. Ah, mon tête. Ensuite, allons-y avec le prochain. Ah, ça, j'aime ça. C'est sur le site du bonmanger.ca. C'est une machine à sandwich. Donc, c'est comme un genre de petite grille à crêpes, si on veut. Sauf que plusieurs étages. Genre, dessous, t'as, mettons, les œufs. L'autre étage, t'as le jambon puis des garnitures. Et l'autre étage, t'as le pain en haut puis en bas. Donc, ça va griller tout ça. Et puis après ça, tu vas pouvoir juste enlever chaque affaire et puis te faire un genre de McMuffin ou un déjeuner, un chef-d'œuf chez IW. C'est génial. C'est le Hamilton Beach Breakfast Sandwich Maker. Disponible au Canada. Non, pas encore disponible au Canada non. En ce moment, malheureusement. Oh. Mais pour vrai, genre, mais je veux dire, t'as pas besoin de ça pour empiler ta bouffe dans ton muffin anglais, non? Non, c'était cuit tout en même temps. T'as pas besoin d'avoir une poêle pour l'œuf, un grille-pain pour le muffin anglais et puis une poêle pour le jambon. Ouais, ouais. Tu sais, parce que de sortir une poêle, puis ça commence à être long. Hein? Ouais, c'est pour les paresseux. Ben non, c'est pour les gens qui veulent manger ça tous les jours. Voyons. C'est pour les gros. ensuite, celui-là, c'est vraiment assez intéressant. Survolons-le rapidement, c'est un tapis qui fait un petit peu comme chez, comme dans un garage. C'est dans un garage, dans le bon vieux temps, quand il y avait un service à l'auto, t'avais un petit genre de tuyau de caoutchouc. Et quand ta voiture pilait dessus, ça sonnait à l'intérieur pour dire, bon, il y a un client, tu sais. Wow, ouais. En fait, il y a encore ça aujourd'hui, c'est juste que c'est plus des tuyaux, là. Mais ils savent quand quelqu'un passe. Ça, c'est pour un tapis pour entrer chez vous. C'est le Swan Doormat Chime. Donc, quand tu appuies, quand tu piles sur le tapis, ça va sonner à l'intérieur de la maison à la place d'avoir à sonner la sonnette. 3 batteries 2A. Et puis une batterie A23 que je connais pas trop pour mettre dans le tapis. J'imagine une petite batterie ronde. Et puis dans le kit, il y a l'unité de cloche, la sonnette et puis le tapis. Donc les deux sont indépendants. C'est cool. Ça veut-tu dire qu'à chaque fois qu'il y a un raton laveur qui passe sur ton tapis, ça sonne chez vous? N'importe quel ton animal de compagnie quand il va vouloir rentrer chez vous, mais tout le temps, il va comme tout le temps faire ding ding ding ding ding. Mais ding, c'est ding. Comme c'est comme les lumières avec un œil magique. À chaque fois que tu passes en avant d'une maison, ça allume. Moi, je trouve ça agressant. C'est déplaisant, j'avoue. Ensuite, on saute à ce superbe habit. Comment t'appelles ça, l'affaire que tu mets quand tu cuisines? Un tablier. Un tablier. Mais avec plusieurs pochettes, un peu comme dans l'armée. Donc, t'as des pochettes pour mettre tes différentes spatules, le truc pour récurer ton grill. T'as même des pochettes pour des poches pour les condiments à l'avant, en bas. Des gros compartiments pour le barbecue, le ketchup et la moutarde. Donc, c'est génial. Ça va transformer un gobelet normal en l'ultime Grillmaster. T'as même une étiquette chef que tu peux enlever au velcro qui est dessus. Ça fait très armé. Oui, c'est ça. J'allais dire, on dirait plus une veste de Kevlar. Là, je veux dire, t'es prêt pour la guerre là, avec ton barbecue. Là. C'est ça qu'on veut. Justement, je me demandais si c'est peut-être ininflammable. Tu pourrais mettre ça quand tu fais allumer ton barbecue. Tu me disais que t'avais peur de ton barbecue. Tellement. Je m'assume là-dedans, ça. Dans ta peur. Mais si tu peur. Ben écoute, je te dirais que je trippe pas tant, là. Je vais éviter la tâche. Fais comme moi, envoie-la. Ah non, c'est vrai, c'est toi, là. Ah, mais nous, tu sais, je pense que les rôles sont pas mal inversés. C'est pas mal plus elle qui porte les pantaloons. Non, je m'excuse. C'est la femme dans le couple qui porte le pantalon. De toute façon. Les pantalons sont à la bonne personne, là. Je m'excuse. Tous les pantalons appartiennent à la femme. Ensuite, sautons à... c'est un outil pour votre couteau, en fait. C'est pour vous empêcher de vous couper sur votre couteau quand vous coupez, mettons, des légumes ou des oignons très fins, OK? Et vous voulez enlever les oignons, mettons, du couteau, mais vous pourriez vous couper. Donc, c'est un petit gadget de plastique qui va dans votre couteau. En fait, je me demande s'il va avec le couteau. Je pense que ça vient à part. Bref, ça s'appelle le Glide. Ça s'attache à votre couteau. Et c'est une affaire de caoutchouc qui se glisse sur le couteau et qui va vider le couteau de son contenu. Mais il faut pas que tu oublies de le mettre par-dessus avant de commencer à couper, j'imagine. C'est exact. Tu mets au fond de ton couteau vers le manche, tu tranches tes affaires et tu reglisses avec ton doigt bien fermement sur le Glide. Moi, je vais continuer à chialer, OK? Moi, je prends tout le couteau au grand complet. Donc, j'ai besoin de la lame jusqu'au manche. Donc, si ça, c'est là, ça va me déranger. Puis, tu peux tout simplement essuyer ton couteau sur ta plaque, là, sur ta planche à découper. C'est vrai, ça. Deux différentes grandeurs pour 8$, ça vaut pas la peine, je pense. Hein? Ben, 8$, je pense qu'on peut l'essayer. On peut. On peut l'essayer. Tout d'un coup, c'est magique. Mais, tu sais, à vue d'œil comme ça, j'ai l'impression que ça va juste être un K5 Plus à déménager. On va y aller avec quelques petits derniers. Faut terminer bientôt. Le Dryer Top Ironing Board. C'est une planche à repasser qu'on installe sur la laveuse. Non, c'est pas une planche à repasser. En fait, c'est comme un genre de morceau de tissu qui est à l'épreuve de la chaleur, évidemment. Et puis, tu mets ta chemise dessus puis tu repasses par-dessus ce genre de tissu-là. 31,5 pouces par 18,5. Très, très bonne idée. Et dans le même domaine, le Mobile Trouser Press, qui est une presse pour la chemise. C'est le col de la chemise est tout le temps en croche. Là. Ben oui. C'est juste une minuscule petit truc qui vient juste repasser le côté. Je fais ça avec mon fer-plat, moi, des fois. Ah, pour les cheveux, j'avoue. Ouais, je prends mon fer-plat puis je fais mon col de chemise. Mais est-ce que ton fer-plat fonctionne par USB ou avec 3 piles 2A? Non, ça, bon. C'est cool. Fait que ça coûte 10$ américains environ. Hein? C'est pas cher. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour terminer? Lequel est-ce qu'on doit absolument faire cette semaine? Je crois que c'est de la crème glacée à saveur de choses que les oiseaux mangent. Hein? C'est au Torimi Café du Japon, à Osaka, au Japon, au Small Bird Expo. Et c'est des crèmes glacées à saveur de, mettons, perroquet ou cacatoès. Mais évidemment, c'est pas à saveur de l'oiseau en tant que tel. C'est fait à partir de la nourriture que ces oiseaux-là mangent. Genre des peanuts, des graines de tournesol? C'est exactement ça. De la guimauve. Le perroquet, ça a du miel et des pommes. Qui mange de la guimauve là-dedans? Je pense que c'est le sparrow. Sparrow. C'est pas un perroquet, ça? Non, c'est perroquet. Un toucan? Peut-être, je sais pas, je suis pas sûr. Le perroquet, par contre, lui, c'est miel et pommes. Et comme je disais, le cacatoès, c'est de la citrouille et des graines de tournesol à l'intérieur. Et je pense qu'on a le temps pour un dernier. Il faut vraiment se dépêcher pour le dernier. Par contre, attention, allons-y avec la crème à raser au bacon. À 100 heures de bacon. Ben là, toujours au moins. Mais juste à 100 heures d'eux, là. Bacon shaving cream, attention, c'est rempli de moisturizer et d'huile essentielle pour laisser votre figure, votre visage propre et qui va sentir très très bon et sentir surtout le bacon. Ça fait très bon cadeau pour les hommes qui aiment le bacon. C'est ce ben, que ça dit. Voyons donc. C'est ce que ça dit. Voilà, on gardera le reste pour une prochaine chronique. Sparrow, c'est un épervier. Épervier. Dis donc. Donc voilà pour Sexpress, ça devrait répondre là. Voilà pour l'émission. On se quitte là-dessus. On se dit à la semaine prochaine, jeudi, entre 14h et 18h. Merci Stéphanie Paradis. Hey, merci Mathieu Plan. Merci à David Ferron. Merci à Jean-Philippe Charbonneau, Justine Renaud, Véronique Mire et Sylvain Landry. Sylvain. Voilà. Ouais, je me souviens pas du nom de son personnage, fait que j'ai comme buggy. C'est le bon gars. C'est Sly, le bon gars. Ouais, c'est ça. Donc la semaine prochaine, c'est jeudi entre 14h et 18h. Restez à l'écoute pour Recrévé qui s'en vient dans quelques minutes. Après ça, on repasse le samedi entre midi et 16h. Après nous, c'est Le Voyage Insolite et finalement dimanche. On joue entre 10h et 14h. Ce sera Un Genre de Bleu qui sera après nous. Allez voir assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balles d'audiffusion. Cif.ca pour la programmation complète. On se quitte avec le numéro 1 du côté francophone. Oh, on s'en va entendre Vacances de 87 de Le Couleur. Yes, bonne semaine, bonne fin de semaine. Bye bye. Bye, bye, bye.